Bonsoir à tous, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va revenir, toutes les semaines de Grand Prix, sur la dernière course en date, en l'occurrence le Grand Prix d'Autriche qui a eu lieu ce week-end sur le Red Bull Ring. Alors un Grand Prix remporté par George Russell, c'est une première cette saison et une première depuis fin 2022, avec un sprint la veille remporté par Max Verstappen. On va débriefer le week-end évidemment équipe par équipe, parler des incidents qu'il y a eu, puisqu'il y en a eu pas mal, parler des débuts de polémique ou des déclarations un petit peu tapageuses de certaines personnes du paddock. On est trois ce soir pour en parler, avec moi Alex. Est-ce que ça va Alex ? Salut, ouais, ça va très bien. Donc après cette course qui était pour un tiers, pour deux tiers ennuyeuse et pour un tiers passionnante. Et puis je tiens à commencer par quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'on va aussi dire du bien de la FIA qui a quasiment réglé le problème des limites de piste en Autriche. On est passé de 1000 infractions à 2, qui ont certes fait polémique, mais en tout cas beau boulot de la FIA sur les graviers, notamment en virage 9 et 10. On a eu un Grand Prix d'Autriche qui a été animé, mais heureusement qu'il n'a pas été entaché de cette polémique rageante. On se rappelle que l'an dernier, il avait fallu attendre des heures pour le résultat final. Là, on a eu de l'action et pas de la polémique, mais pour autre chose. Et donc, ça fait du bien aussi. C'est vrai, ça fait du bien de ne pas toujours avoir à taper sur la FIA, on va pouvoir taper sur d'autres personnes, évidemment. avec nous aussi, Franck, pour en parler. Ça va, Franck ? Bonsoir tout le monde, écoutez, ça va très bien, effectivement on a des choses à dire ce soir sur le côté sportif, extra-sportif, dans les coulisses, un petit peu partout, et comme tu l'as dit Alex, un peu de bien sur la FIA, ça va changer un petit peu, mais il n'y a pas que du bien quand même sur cette histoire de gravier, puisqu'on va quand même commencer par parler un petit peu des qualifs et du sprint, et puis du coup de cet aménagement de la piste qui a tant fait parler avant le début du week-end. Et ben effectivement, de toute façon c'est vrai qu'il y a eu, c'était un peu la première chose qu'on allait découvrir avec les séances compétitives. Alors il n'y a pas eu beaucoup, hein. Un rappel, c'était le week-end de sprint, donc une séance d'essai libre vendredi, des qualifs sprint le vendredi après-midi, puis le sprint samedi midi, les qualifs samedi après-midi et la course hier. Alors déjà, si vous voulez commencer par ça, je ne sais pas lequel d'entre vous a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en tout cas on peut commencer par ça avant de passer aux équipes. Commencer par justement les aménagements du circuit et puis sur la qualif et le sprint, en gros ce que ça a donné un petit peu au fil du week-end, Franck. Oui, alors effectivement, comme l'a dit Alex, il y a eu un aménagement d'une bande de gravier au virage 9 et 10 notamment, et deux virages qui ont posé vraiment le plus de problèmes l'an dernier. Et comme l'a dit Alex, la solution trouvée, qui est un aménagement qui doit satisfaire à la fois la F1 et le MotoGP, a totalement rempli son rôle sur ces deux virages-là. Donc de ce côté-là, alors oui pour la FIA, mais c'est quand même une solution trouvée par le circuit aussi, donc saluons aussi le circuit de ce côté-là, mais j'ai pas envie de m'éterniser non plus là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Juste, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce point-là, c'est qu'ils auraient pu faire aussi le virage 6, qui a coûté le temps autour de Piastri en qualif, puisque, quitte à faire cet aménagement qui limite la possibilité des monoplaces d'aller trop loin et du coup d'améliorer leur temps, pourquoi n'avoir pas raboté un peu plus l'aménagement au virage 6, histoire d'avoir la même configuration que pour le virage 9 et 10. Et voilà, du coup, donc le temps de Piastri, qui était donc le troisième sur la grille, a été supprimé. La McLaren a voulu tenter de protester sur ce résultat. Sur ce résultat, pardon, mais malheureusement, pour des défauts de procédure... ça a été rejeté, donc on ne saura jamais sur la forme si il y avait raison de protester ou non. Le problème, c'est que si c'est pas déposé en bonne et due forme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne va pas plus loin, puisqu'une autre équipe pourrait après dire non, mais la procédure n'a pas été respectée. Donc voilà, il faut malheureusement déposer les choses dans l'ordre et dans les règles. Donc la FIA s'est dédouanée un petit peu de se déjuger elle-même à cause de cette faute de procédure. Donc voilà, donc juste petit bémol effectivement sur peut-être pas la FIA sur ce coup-là, vraiment peut-être au circuit. Hein, voilà, le circuit aurait pu faire cet aménagement bord de piste sur tous les virages. On n'était plus à quelques centaines de milliers d'euros près. Surtout que là, il suffisait juste de raboter un peu de béton pour rajouter un poil plus de gravier. Ça aurait pas coûté très cher. Donc peut-être que pour l'année prochaine, ce sera pris en considération. Mais en tout cas, bonne solution. Voilà pour en dire du bien là-dessus. Je sais pas si Alex veut rajouter des choses. Juste avant Oui. qu'Alex, je vais juste finir après. Je voulais juste répondre à Bubble Boy qui dit, après avoir remplacé le gravier par le bitume, on revient au gravier. Vous voyez, c'était toujours mieux avant. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, parce que là, c'est des bandes de gravier. Bon, le virage 6, il y en a un peu plus, mais c'est un virage lent. Mais les virages rapides, on enlève les gros bacs à gravier, parce qu'il y a quand même le risque que si une voiture sort un peu trop violemment, elle puisse se retourner. Et deuxième chose, j'allais dire aussi, c'est que pour l'instant, aucun département légal n'est meilleur que celui d'Aston Martin quand il s'agit de mettre le nez dans le caca de la FIA. Alex, du coup, toi, ton avis sur tout ça? Après, on n'est pas en train de dire que les graviers, c'est la solution absolument parfaite et qu'il n'y a aucun défaut. D'ailleurs, Ricardo l'a dit, lorsqu'il y a un pilote qui sort dans les graviers et que vous êtes dans la voiture derrière, eh bien, il y a d'ailleurs des projections de gravier sur la piste. Et ensuite, vous pouvez vous prendre les graviers derrière vous. Donc, ça peut aussi faire mal. Donc, voilà, il n'y a pas que des points positifs, mais ça prouve que quand on veut changer les choses et quand on veut bien faire les choses, lorsqu'on écoute les pilotes qui voulaient demander des graviers, eh bien ça fonctionne. Effectivement, il y a aussi le MotoGP qui va courir sur le Red Bull Ring, mais voilà, les graviers, ben ça s'enlève, etc. Vu les, c'est pas ce qui va coûter le plus cher pour un circuit d'enlever un peu de gravier, vu les prix astronomiques des promotions de course aujourd'hui. Et puis voilà, ça ramène du public. Et en termes d'image, hein, le Red Bull Ring, je pense que s'il y avait eu un Grand Prix aussi catastrophique en termes de limite de piste que l'an dernier, on aurait pu même s'interroger sur sa place à long terme dans le calendrier. Là, on a eu du spectacle, on a eu de la bonne ambiance, hein, qui n'a pas été non plus ternie dans les tribunes comme l'an dernier. Donc voilà, quand on veut, on peut. Et félicitations à la FIA, donc au circuit, aux pilotes aussi qu'on poussait pour cette décision. Donc voilà, c'est le signe que la FIA peut bien faire les choses quand elle veut. C'est pour ça qu'on est aussi sévère quand elle fait mal les choses, c'est qu'elle peut y arriver. Elle le prouve Absolument. là. Juste pour être tout à fait au clair et complet sur le sujet, Marco, qui est un des responsables de Red Bull, mais qui du coup aussi gère le circuit, dit après tout, pourquoi est-ce quand même on enlèverait le gravier, puisque la MotoGP court bien sur d'autres circuits, il y a bien du gravier à côté aussi, donc il n'y a pas de raison de l'enlever. Maintenant, ils ont prévu de l'enlever quand même, donc chose promise, chose due, mais bon, sur d'autres virages du Red Bull Ring, hein, notamment le 6 et puis celui qui est avant, la parabolique qui est avant, qui suit la ligne droite du retour, il y a aussi plein de gravier à l'extérieur, donc Ouais. pourquoi l'enlever? C'est vrai qu'au fur et à mesure, pourquoi ça pourrait pas être une solution définitive pour l'ensemble des circuits? En tout cas, ça a prouvé que ça a fait ses preuves, ça devrait peut-être réconcilier F1 et MotoGP sur quelques circuits. Alors, en fait, le MotoGP laisse des graviers entièrement dans les virages où les motos ne passent pas trop vite. Dès qu'elles passent rapidement et que en fait, le pilote peut glisser et rentrer dans les graviers super vite, là, ils enlèvent parce que on l'a vu notamment à Portimao, où en plus les graviers sont super épais. Les pilotes, à partir du moment où ils rentrent dans les graviers en glissant, ne sont plus du tout maîtres de leur mouvement et souvent ça finit en grosse fracture. C'était notamment Paul Espargaro qui s'était fait 5 ou 6 fractures, dont le sternum et tout ça, quand il avait eu des accidents et s'était blessé à un poumon. Donc voilà, la MotoGP en fait elle oblige, quand les virages rapides, donc comme le 9, hein, les deux derniers en Autriche, à ce qu'il y ait une bande de gravier, mais qu'il y ait surtout beaucoup de dégagement asphalté. C'est un peu comme à Silverstone aussi, même si pour l'instant le MotoGP ne va plus. Mais voilà, donc. D'accord pour l'explication. Voilà. Merci Manu. Et bah avec plaisir. Bon, sinon, la FIA, globalement, il y a eu quelques pénalités, mais ça, on y reviendra, je pense, au cas par cas, puisque certains pilotes ont reçu quelques secondes par-ci par-là de pénalités pour diverses raisons. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet au niveau des équipes? Ou On est-ce peut. que. Ouais, on peut. Bah Eh bien, oui. Oui, on peut. nous allons parler de Mercedes. Alors, ça fait longtemps, hein, ça fait depuis 2022 qu'on n'avait pas commencé l'émission par eux. Avec la première place de George Russell, la quatrième de Lewis Hamilton. Mercedes qui confirme ses progrès au fil du week-end. C'est vrai qu'on a vu une W15 qui, de nouveau, comme sur les précédentes courses, était plutôt globalement rapide, avec également des quatrièmes places de. Enfin, troisième et quatrième place de George Russell en qualification sur la course et le sprint. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt rassurant. Alors évidemment, la victoire n'était pas au programme pour George Russell jusqu'à 7 tours de l'arrivée. Et puis un accrochage devant lui, il l'a propulsé en tête. Toto Wolff s'est totalement emballé à la radio, il l'a renvoyé chier. Enfin voilà, c'était assez marrant. Et puis finalement, les derniers tours étaient. Il faut préciser que Toto Wolff s'est excusé parce que lui-même a admis qu'il n'aurait pas dû prendre la radio à ce moment-là. Et les derniers tours ont été très bien gérés de la part de Russell, qui avait un Piastri bien rapide derrière lui, pour aller remporter sa deuxième victoire, la première de Mercedes cette saison, qui vient la quatrième équipe à remporter une victoire cette année. Toi, Alex, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses quand même que Mercedes a encore beaucoup de travail? Est-ce que même en performance, le fait qu'ils aient été qu'à une quinzaine de secondes des leaders montre que bah, justement, ils sont très très proches maintenant de pouvoir viser la victoire sur Ben, d'autres courses? En début de saison, Mercedes c'était la quatrième, voire cinquième force. Là, ils étaient la troisième force. Et voilà, c'est ce qui arrive lorsqu'elle grabuge dedans, devant. Hein, c'est Mercedes n'aurait pas remporté cette course si jamais il n'avait pas été la troisième force, si jamais Russell n'était pas devant Sainz et Piastri. Voilà, on dit que Russell, oui, on peut dire que c'est une victoire chanceuse. En même temps, la chance, ça se provoque. Hein. Je crois que c'est Brundle qui a dit sur la Sky, oui, la victoire elle est tombée entre ses mains, mais en même temps, il avait tout fait pour bien positionner ses mains. Et voilà, donc c'est une victoire mérité de Russell parce qu'il faut être dans cette position pour recueillir les fruits de la victoire. Ni Piastri ni Sainz d'ailleurs Hamilton et bon, pas moins Pérez. Voilà, donc c'est tout simplement le résultat logique de leur progression qui est assez impressionnante depuis le nouvel aileron de Monaco. Alors bien sûr, c'est clair qu'il leur manque 2-3 dixièmes, hein, c'est ce que chiffrait Wolff, c'était peut-être même un peu plus sur ce circuit. Mais voilà, quand on est la troisième force et que les deux premières forces se rentrent dedans, on récolte logiquement les fruits de la victoire. Non, il y a quelques courses, c'était Ferrari qu'aurait gagné, hein, voilà, Sainz a gagné à Melbourne, et là, ça confirme les progrès, c'est un bonus, mais qui va confirmer une tendance qui est très positive pour Mercedes, évidemment, hein, si ça continue sur cette tendance-là, c'est pas seulement si les deux leaders se percutent devant qu'ils vont gagner des courses, mais un peu comme au Canada, à la régulière, donc oui, une victoire qui peut être qualifiée de chanceuse, mais encore une fois, ils ont su provoquer cette chance. C'est ça, hein. C'est vrai que là pour le coup, l'opportunisme était quand même bien maîtrisé par le fait qu'ils ont été toujours la troisième force, et en particulier derrière Verstappen et Norris. Franck, toi, est-ce que tu, qu'est-ce que, comment tu vois la suite de la saison de Mercedes, notamment avec l'évolution qui arrive ce week-end à Silverstone? On rappelle qu'ils amènent un package de nouveautés qui devrait leur faire gagner un petit peu de performance et peut-être bah, justement finir par combler cet écart avec les deux leaders. Ben Mercedes c'est sur une très très bonne dynamique, en tout cas meilleure que Ferrari, clairement. Donc pour devenir la troisième force du plateau, c'est bien parti. Allez titiller McLaren et Red Bull, on verra ce que donneront les évolutions de Silverstone, mais c'est effectivement très très encourageant pour l'équipe, voilà, qui a trouvé, voilà, on va réutiliser cette expression d'étoile polaire, hein, voilà, donc, qui semblait chère effectivement à Lewis Hamilton et à Toto Wolff, mais c'est vraiment le cas, hein, voilà, donc ils ont réussi à trouver une direction pour le développement, à comprendre voilà l'effet de sol, donc ce qui est forcément une très bonne chose pour la finir la saison, très bonne chose aussi pour 2025 et forcément aussi pour les concevoir les monoplaces de 2026. Donc il y a du court terme, il y a du moyen terme et du long terme chez Mercedes qui font souffler un petit peu tout le monde, quoi. Et aussi en termes de management de toute l'équipe technique, c'est un gros soulagement aussi parce que ça veut dire que repris en main par James Allison, toute l'équipe technique, elle sait concevoir de nouveau des pièces qui fonctionnent. Et voilà, il n'y a pas besoin de forcément ben là, de devoir nouveau tout chambouler ou de restructurer. Et c'est forcément une solide fondation pour la suite. Donc voilà, on a maintenant quatre équipes qui ont gagné. Maintenant, il reste aux trois autres pilotes de ces quatre équipes qui n'ont pas gagné à le faire. Donc, on pense notamment à Piastri et à Hamilton. Pérez, bon, voilà, hein, Je c'est ne bon. dirais pas Pérez. Voilà, c'est quand même mal barré. On en reparlera. Mais voilà, c'est bon. Après, voir une cinquième équipe s'imposer, c'est quand même là pour le coup un peu plus, je pense, de l'ordre du jeu de casino de hasard total là quand même, parce que déjà on a quatre équipes qui sont très bien placées. Si l'une des quatre ou deux des quatre sont en difficulté, il y en a quand même deux autres derrière pour récolter un peu les fruits. Donc je vois pas d'autres équipes s'imposer à la régulière, ou sauf une course totalement folle en termes de conditions climatiques, chambouler tout ça, mais voilà, on a nos quatre équipes qui ont gagné, on aura 6, 7, 8 vainqueurs donc sur l'année à mon avis. L'8e, je suis pas sûr, hein. Ouais, on va dire au moins 7. Ce serait bien d'ailleurs pour la belle histoire que Lewis Hamilton au moins arrive à s'imposer une dernière fois pour Mercedes avant de partir chez Ferrari, et que Oscar Piastri aussi gagne son premier Grand Prix. Voilà, comme ça tout le monde serait très très content cette saison. Donc voilà, Mercedes, point positif, comme tu l'as dit, enfin, victoire chanceuse, mais victoire quand même. Je rappelle que j'avais prédit un souci pour Verstappen sur une des courses, et Verstappen n'avait pas gagné, et j'avais prédit un abandon pour Verstappen. Je sais pas si tu te souviens, Manu, avant le départ. Avec un vrai mécanique, ouais. La semaine dernière, je crois qu'on avait dit Norris Verstappen, tous Voilà, en et donc A2, bah, on a eu tort, mais on a presque raison. Ça aurait dû être, hein, si Verstappen avait joué le jeu, ça aurait été Norris Verstappen, hein, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, bah écoutez, la prochaine fois, je repronostiquerai un problème pour Verstappen, ça semble marcher. Arrête, on va dire que tu es anti-Verstappen et que tu veux qu'il abandonne. Bah sur cette course-là, oui, clairement, je vais m'afficher anti-Verstappen, mais on va en parler au moment opportun. On en parlera après, effectivement. Lewis Hamilton un peu moins bien. Alors c'est vrai que lui, il n'a pas été trop dedans tout le week-end, Toto Wolff l'a dit, et effectivement, bah, il passe le week-end dans l'ombre Oui. de Russell, hein, complètement. Petit dégât au plancher quand même, un cours suspendu, voilà. Ouais, voilà, Des après problèmes c'est... de réglage, hein, même un qualif sprint, ça n'allait pas. Il a changé les réglages. Il a fait aussi, je crois, il a dépassé Sainz au premier virage, mais il est allé au large, donc il a dû recéder sa position. Ça ne l'a pas mis non plus dans le bon élan. Bah, il était clairement en ton en dessous de Russell. Hein, et c'est assez logique, hein, que cette année, s'il y a une victoire à aller chercher pour Mercedes, c'était d'abord pour Russell. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est voilà, il est un peu là, il est clairement en dessous, et puis je pense que la tête est un peu ailleurs et que Et, ça va pas aider avec le temps de pas être et puis forcément. dans le rayon des petites erreurs, c'est que voilà, il a aussi une glissade au moment de rentrer dans les stands. Donc il a passé la ligne blanche, et donc même s'il était voilà, en glissade, etc., avec manque d'appui total, il a eu la pénalité logique de 5 secondes pour avoir franchi la ligne blanche en rentrant dans les stands. Il a immédiatement reconnu son erreur à la radio, donc il faut quand même souligner la sportivité toujours de Hamilton, qui est un des premiers à reconnaître son erreur en disant non, non, c'est un scandale. Il n'a pas dit du tout, voilà, oh là, c'est un scandale. J'étais en dérapage, je l'ai fait au en tenir Oui. compte. Il a juste dit désolé, les gars. Voilà. On aurait Donc, pu espérer un peu de clémence, effectivement, vu qu'il est arrivé de manière ouais. un peu... Mais en tout cas, on a un pilote qui reconnaît ses torts lorsqu'il fait une erreur. Voilà, je mets ça dans le débat public pour plus tard. Ouais, c'est vrai que oui, après moi je suis totalement d'accord là pour le coup, il franchit la ligne, d'ailleurs lui-même l'a dit, hein, il a dit désolé, il fait une erreur au pire moment, parce qu'en fait c'est une erreur qui vaut pas grand-chose dans les autres virages, et sur celui-là, avec la ligne pour rentrer au stand, c'est fatal. Voilà, donc c'est vrai que c'est malheureux. Il a juste dit ok et désolé. Mais bon, effectivement, c'est voilà, la saison risque d'être un peu longue. Je pense surtout si maintenant Russell est en pleine confiance et puis qu'il a forcément le côté un peu plus proche de l'équipe. Je pense que Hamilton aura hâte d'être rapidement chez Ferrari. On va passer à McLaren. Alors McLaren, on va évidemment avoir beaucoup à dire. Déjà, Piastri. Oscar Piastri en retrait de Norris tout le week-end, lui aussi. On a vu globalement, il n'était pas très loin, mais il se qualifie troisième au sprint, il termine troisième et puis il se qualifie tout. Enfin, il fait le troisième chrono en qualif, mais son chrono est annulé. Donc c'est le fameux litige de la FIA avec McLaren, dont on ne sait pas en fait si du coup l'IA avait bien calculé, si les commissaires avaient bien validé la décision, parce que au final. Il y a quand même moyen de se dire qu'effectivement, il n'était pas totalement derrière la ligne, mais le vice de procédure fait que ça n'a pas été calculé. Et puis en course, bah, globalement, plutôt solide. Il se fait pousser par Pérez au premier tour, il se fait mettre dans les graviers, il perd des places. Enfin, en fait, globalement, il se fait molester dans le premier tour, hein, parce que tout le monde le pousse, mais il s'accroche, et puis il finit par être cinquième. Les deux devant s'accrochent, il passe Sainz et ça le propulse deuxième. Donc une très belle fin de course. Il finit à 1,9 seconde de la victoire. Il était frustré pour ça, mais en même temps, il peut pas non plus être trop triste vu qu'il a quand même fait une belle course, Franck. Oui, il s'est bien rattrapé effectivement en course de cette erreur en qualification. Effectivement, moi, c'est juste cette petite question à l'arrivée du si vous étiez parti troisième et pas septième, est-ce que vous auriez remporté la victoire? C'est ce genre de question que je n'aime pas du tout, parce que s'il avait fait ça le samedi, il n'y aurait certainement pas eu cette course-là le dimanche. Enfin, bref, c'est toujours pareil, hein. L'effet papillon, j'y crois moyen sur ce genre de répercussions. Donc voilà, il faut pas qu'il soit désolé d'avoir perdu une potentielle victoire s'il était parti troisième. Voilà, s'il s'était passé ça, bah, peut-être qu'il y aurait peu d'accrochage entre Norris et Verstappen le dimanche. Enfin, bref, c'est ce genre de scénario hypothétique, j'aime pas du tout en disserter, parce que là, bon, après, ça devient très philosophique, mais voilà, donc je préfère retenir effectivement qu'il a fait une super course. Mais effectivement, comme tu dis, premier tour un peu chaotique pour lui, mais il a su effectivement, bah, s'en sortir, remonter, dérouler une belle course, avoir un meilleur rythme de course que d'habitude, hein, en tout Oui, cas. et surtout sur la fin, c'est ça qui est bien. Ouais, C'est que c'est là, ça. c'est une des premières fois, je crois, alors que pourtant, c'était pas facile, il y avait du vent, il y avait de la chaleur. Bon, moins que Exact. prévu, mais quand même. Et c'est une des premières fois où on le voit finalement être capable d'accélérer le rythme au fil de la course, un peu comme Norris le fait habituellement. C'est ça. Et pas de perdant. Donc, je pense que là-dessus, il y a des progrès. Ça sera confirmé évidemment à Silverstone. Il était beaucoup plus effectivement dans le rythme de Norris ce week-end-là, en tout cas. Ouais. Si Et on puis, exclut effectivement son ouais, erreur. beaucoup mieux qu'à Barcelone, où là, on pouvait plus critiquer Piastri à Barcelone, hein, effectivement. Donc, un loupé, hein. En qualif aussi, et une course pas terrible. Là, il était davantage du niveau. On peut pas parler d'erreur au virage 6, vu à quoi ça s'est joué, mais voilà, clairement plus encourageant. Après, voilà, on a peut-être toujours un petit peu sentiment depuis Miami que McLaren, enfin Red Bull, gagne presque toutes les courses qu'elle peut gagner, et McLaren, c'est quand même pas le cas. Il y a quand même des points qui sont laissés en cours de route, et effectivement, mis bout à bout, ça fait une grosse avance. trouve que McLaren, voilà, il faut absolument. Ah, il y a de la friture sur la ligne, mon cher Alex. On a perdu Alex. On a perdu Alex. Ah, c'est bon, je crois que ça revient. Ouais, ouais, ça ramène un petit peu, mais si tu veux redire ce que tu disais, du coup, on t'a pas entendu. Bah, je disais que pour battre Red Bull, il faut tout bien faire, et c'est ce qu'on disait à Barcelone la semaine dernière. Et voilà, là encore une fois, McLaren n'a pas tout bien fait. Il y a toujours des détails, même opérationnels, qui manquent ou un peu de malchance. Et voilà, et donc c'est ce qui explique un gros écart au championnat. Mais ouais, un gros écart s'explique aussi parce qu'au début de la saison, McLaren était un petit peu en retrait. Et malgré tout, alors McLaren doit réapprendre à gagner, ça c'est vrai, comme le dit Lambo Diablo dans le chat. Malgré tout, je trouve que McLaren fait quand même les choses bien. C'est juste que les fins de course donnent une image, je trouve, un peu erronée du vrai tableau. Et je trouve que malgré tout, en début de course notamment, on voit que la McLaren est toujours moins rapide que la Red Bull. Et là, concrètement, il n'y a pas le problème au stand pour Verstappen, et il n'y a pas des super tours de sortie de Norris après son arrêt. Il n'y a pas match en fait. Donc, avec le plein, la Red Bull a toujours été plus rapide que la McLaren. Ouais, ouais, ouais. Et ça se vérifie. Ça s'inverse sur la fin de course chaque fois. Donc, de ce côté-là, on est assez raccord. Ouais, totalement. Lando Norris a été excellent tout le week-end. Des chronos très rapides. Deuxième derrière Max Verstappen à peu près à chaque séance, à savoir les qualifs sprint, la qualif et le sprint. Mais. Donc, erreur débutant dans le sprint quand même. Oui, alors erreur débutant dans le sprint, effectivement, où il double Verstappen et ensuite il le laisse repasser en lui ouvrant la porte grande à l'intérieur. Et puis il ne le tasse pas quand Verstappen le passe. Passe, Max. Passe, tu rendras l'appareil demain, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Attention, cet argument va revenir dans un boomerang, comme un boomerang, approximativement 30 secondes. Et en course le lendemain, donc, Norris reste globalement assez à bonne distance de Verstappen jusqu'au deuxième arrêt. Deuxième arrêt que rate Red Bull. Alors, ça, c'est pareil. Tout arrive, mais Red Bull, en l'occurrence, rate son arrêt. Verstappen n'est pas tout à fait bien placé. Ils sont un peu lents sur une roue. Et ensuite, ils laissent passer Norris, puisque Norris rentrait. Et que, en fait, au premier arrêt, il y avait eu un unsafe release qui avait été étudié par les commissaires et qui avait finalement pas donné de pénalité. Donc, Red Bull n'a pas pris risque d'en refaire un deuxième. Et de là, ils ressortent avec moins de 3 secondes d'écart. Norris remonte. Norris attaque une première fois. Verstappen fait un décalage au dernier moment pour l'empêcher de passer. Norris, donc, passe, mais en fait, se rate. Le deuxième attaque, Verstappen se décale un peu tard, Norris va trop loin, passe devant et le laisse passer, puisqu'effectivement il est encore une fois passé, mais en étant hors piste, en envoyant Verstappen hors piste cette fois-ci. Et troisième attaque, Verstappen se décale à l'intérieur, Norris tente de passer à l'extérieur et Verstappen se replonge vers l'extérieur et va toucher Norris, ce qui a provoqué l'abandon de Norris, une double crevaison, en fait une sur chaque voiture, et Verstappen a plongé à la cinquième place. Alors je pense pas qu'il y aura beaucoup de débats. Je sais pas, j'ai pas eu ton avis précis Alex, mais je pense pas qu'on aura beaucoup de débats. La FIA a qualifié que c'était 100% la faute de Max Verstappen. Franck et moi on a parlé, on est à 100% la faute de Max Verstappen. Je sais pas toi Alex si c'est à 100% aussi. Ouais, 110% même. 110%, bon, donc on est totalement d'accord. Moi je trouve que Max Verstappen en fait m'a donné raison sur ce que j'avais dit il y a plusieurs mois, notamment à Las Vegas quand il avait tassé Leclerc pour le dépasser au départ, ou quand il avait tassé Gasly pour le dépasser à Zandvoort, c'est que Max Verstappen n'a pas changé. Alors c'est bien, quand il mène 1000 tours dans la saison et qu'il gagne 19 courses, bah, il se bat pas beaucoup en piste. Donc alors attention, je ne dis pas qu'il mérite pas d'être devant, parce qu'on m'a dit ça hier sur Twitter, non, il méritait d'être devant, mais du coup il ne se bat pas beaucoup en piste, c'est factuel, et donc il n'a pas besoin d'user de tactique de pilotage. Par contre, quand il s'agit de se battre voiture contre voiture avec quelqu'un qui a le même rythme que lui, eh ben, on retombe dans des travers où il donne des coups de roue, il ferme la porte, il se décale. Un décalage qui est interdit par la FIA, qui avait créé une règle pour contrer les mauvaises manœuvres de Max Verstappen en 2016. Et en fait, c'est des choses qu'il fait toujours. Et là, la FIA, encore une fois, ne le pénalise pas jusqu'à l'accrochage, c'est-à-dire au moment où c'est trop tard, en fait, et qu'il a ruiné la course de Norris et la sienne. Voilà, moi c'est mon point de vue principal. Franck, qu'as-tu à ajouter là-dessus ? Ah ben, je retiens juste que la bonne phrase d'Andrea Stella qui dit que tout le monde le voit que qu'il est effectivement fautif, sauf lui et son équipe. Voilà, cher que là pour le coup c'était extrêmement unanime, même sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il y avait pas grand monde pour défendre Max Verstappen non plus, si ce n'est ses fans peut-être les plus féroces. Il y a pas grand chose de plus à dire. Peut-être que les décalages sont beaucoup plus subtils qu'ils ne l'étaient par le passé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a juste à étudier les ralentis de ces trajectoires au, au freinage, effectivement, il voit où va Norris, et quand il freine, effectivement, il ne freine pas en ligne droite, il freine sur un léger biais vers la gauche ou vers la droite, et sur la manœuvre de l'accrochage, il est plutôt au milieu de piste et il freine pour aller extérieur intérieur pour prendre la corde. Donc du coup il tasse au fur et à mesure, mais quand c'est un tassement très léger, c'est-à-dire qu'il prend peut-être un angle de 5 ou 10 degrés par rapport à la piste, il ne prend pas un angle de 25 ou 30 degrés, donc c'est très léger. Il laisse pas tout à fait une voiture à Norris, puisque Norris est obligé de monter un peu sur le vibreur, donc pour lui effectivement il avait laissé assez de place. Et certes, si Norris était allé complètement sur le vibreur, il n'y aurait pas eu d'accrochage. Donc c'est de plus en plus insidieux, voilà. Mais il n'en reste pas moins que c'est totalement répréhensible. Et pour moi, la faute est du côté de la FIA aussi, clairement. Norris a d'ailleurs resté là, l'ont un peu rappelé dans les articles qu'on a publiés aujourd'hui, sur le fait que la FIA devrait sanctionner directement, au moins par un premier avertissement, et ensuite un deuxième si nécessaire, pour éviter ce genre de décalage. Je veux dire que, alors certes, comme Max Verstappen l'a dit, je suis pas là pour finir deuxième, en gros je suis pas là pour ouvrir la porte comme Norris me l'a fait la veille. Certes, il y a le droit de se défendre, de se mettre à l'intérieur, etc., mais on choisit une trajectoire, on choisit un angle de défense, comme on choisit un angle d'attaque. Et c'est là le problème de Verstappen, c'est qu'il a choisi à chaque fois son point de bifurcation après avoir vu ce que Norris faisait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne réagissait à chaque fois qu'à ce que faisait Norris derrière lui. Donc il se décalait chaque fois après lui et pas avant lui. Donc ce qui n'est pas du tout la norme. Du coup, pour moi, c'est extrêmement répréhensible. Donc je pense que ça fera encore une fois l'objet d'une discussion entre les pilotes au briefing du prochain Grand Prix, parce que je ne pense pas que ça reste comme ça. On n'a pas eu encore énormément de réactions, parce que c'est vrai que les Grands Prix s'enchaînent, donc les gens ont tendance à donner leur réaction à chaud et à partir assez vite du circuit, parce qu'on va voir Silverstone ce week-end, mais vous pouvez être sûr que jeudi, lors de la journée média, vous allez avoir un tas de réactions par rapport à ce qui s'est passé entre Norris et Verstappen. Vous allez avoir un tas d'avis de pilotes à suivre, un tas de débats, un tas de polémiques là-dessus, mais vous ne trouverez pas grand monde pour défendre, à mon avis, Max Verstappen sur ce coup-là. Et la FIA a logiquement tranché. Maintenant, c'est malheureux pour Norris. C'est encore du Verstappen un peu tout craché dans le texte, même si je trouve ça un poil plus insidieux, un peu plus pernicieux que d'habitude. Alors moi je trouve que en fait il était il regarde dans son rétro à gauche, il voit Verstappen qui est contre le bord de la piste, il sait que Norris qui est au bord de la piste, pour éviter que Norris se décale et le dépasse, il part à l'intérieur et ensuite il revient, alors comme tu dis, avec un angle assez light, sauf qu'à ce moment-là Norris est déjà en train d'amorcer sa manœuvre à l'extérieur et qu'en fait au moment où Norris commence à aller vers le vibreur et qu'il s'arrête de tourner parce qu'en fait il peut pas aller beaucoup plus loin. Verstappen est toujours en train de se décaler, donc même si Norris va sur le vibreur, c'est pas dit qu'il n'y ait pas contact en fait. Et moi je suis. Donc je pense que c'est pas si pernicieux que ça, je pense que c'est toujours à la limite et il essaie toujours de faire ça de manière en gros à faire plier son adversaire, parce que le but c'est pas qu'il s'accroche au départ, le but c'est que Norris lâche complètement l'affaire et comme Verstappen fait toujours du chantage à l'accrochage, mais le problème c'est que là on retrouve le Verstappen assez sale. Dans un contexte où il ne lutte pas pour l'instant pour le titre, il a quasiment 3 victoires d'avance. Donc moi je pense que si on se revenait sur une saison avec un adversaire qui lui met la pression de A à Z comme Hamilton l'a fait en 2021, on reverrait des choses comme Jeddah 2021, comme Brésil 2021, la même chose avec les mêmes défenses de Red Bull, avec les mêmes positions scandaleuses, probablement les mêmes types de manœuvres vraiment dégueulasses, parce que je rappelle que à Jeddah en 2021, il fout Hamilton 3 fois dehors, puis il le breaktest à 320 km/h. Et en fait, ce pilote-là, j'espérais qu'il soit parti avec le temps, mais en fait, il n'était pas parti. Il était juste en veille parce qu'il n'avait plus ce genre de manœuvre à faire. Et moi, je suis vraiment. Alors, au bout d'un moment, il va falloir qu'il lui mette qu'ils enchaînent en fait les pénalités qu'ils lui mettent au fil des courses, parce que sinon, ça n'ira jamais. Donc, je suis assez impressionné de voir que ça ne change pas du tout, quoi. Je suis tout à fait d'accord à ce que vous avez dit. Et pour ajouter des éléments internes à Red Bull, alors Christian Horner, toute l'équipe de direction de Red Bull n'a pas l'autre choix que d'être encore plus à fond dans la défense de leur pilote que dans le cas d'une autre équipe. Pourquoi ? Parce que Verstappen est toujours courtisé par Mercedes, donc il faut que Horner en rajoute sur la solidarité avec Verstappen, alors qu'on connaît toutes les tensions entre Horner et Jos Verstappen, là, il a encore moins le choix parce que parfois, c'est vrai que bien sûr, en public, un directeur d'équipe va toujours faire en sorte de soutenir son pilote, mais parfois, vous avez souvent des recadrages en interne, hein, en coulisses, une fois que les micros sont partis. Là, même dans ce cas-là, évidemment que Horner et toute l'équipe de Red Bull va faire bloc derrière Verstappen parce qu'on sait que Mercedes est courtisé, donc Verstappen a besoin de se sentir aimé par Horner. Vu de toutes les tensions qu'il y a entre Horner et Jos Verstappen. Donc ça, il y a une sorte de fuite en avant Je vais me rajouter. qui est prévisible de ce côté. Je vais me rajouter une couche. Je l'ai même soutenu par Toto Wolff. Parce qu'Andrea Stella, il a quand même comparé effectivement cette attitude de Verstappen à des actions un peu impunies, la conséquence des actions impunies de 2021. D'après lui, effectivement, Verstappen s'en est trop bien sorti en 2021 dans sa lutte face à Hamilton. Et il en profite encore aujourd'hui. Mais Toto Wolff a dit non, non, on ne peut pas comparer ça à 2021. Voilà, bon. On sait que Toto compare. Traumatisé. Non, il est pas traumatisé. Il cherche surtout aussi à avoir Verstappen. Donc, il va casser un casque Bose par réflexe. Donc sur ce coup-là, pour une fois, on a Verstappen qui est à la fois soutenu par Horner et Marco, mais aussi par Wolff, ce qui est assez amusant. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et Wolff a deux doigts de dire ouais, Hamilton est allé beaucoup trop loin. De toute façon, la FIA a bien fait parce que franchement. En plus, célébrer la victoire de Silverstone et Verstappen à l'hôpital, ça m'a toujours choqué. Et au fait, est-ce que vous savez si Michael Masi va bien? Je m'inquiète pour lui récemment. On dit bonjour à Marshall 1961 qui a posté le chat pour la première fois, ainsi que De Fallon et ainsi que Fidessi qui nous dit malheureusement ça fait partie du style de pilotage de Max Verstappen et ça fait bien trop d'années que la FIA ne sanctionne pas. Comment sanctionner ce genre de manœuvre aujourd'hui? C'est pas compliqué, en appliquant les règles. Il y a un règlement sportif, il y a un code sportif international qui explique que dans une lutte entre deux pilotes, chaque pilote doit laisser au moins la largeur d'une voiture à côté de lui en piste pour que la lutte puisse se faire très bien. On a vu que ça a été parfaitement respecté par Norris et Russell la semaine dernière à Barcelone, qui sont en lutte pendant 5 virages sans se toucher, sans se fermer la porte, sans faire de coups de volant, sans voilà. Et il y a à peu près 4 dépassements et ça se passe très bien. Donc c'est possible. En fait, c'est possible. Et encore une fois, moi, j'en reviens toujours au même point, c'est que sur. Alors, je sais pas, nous avons atteint notre objectif de follower. Ben, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. On a eu une notification. Qui a fait du bruit. Oui, je disais, en fait, le problème de Verstappen, c'est qu'on n'a jamais ça avec lui. On n'a jamais des luttes sur plusieurs virages à la fois. Parce que Max Verstappen ne fait pas de. Soit il passe, soit il empêche de passer, soit voilà, mais soit ça s'accroche, mais ça ne va pas plus loin. Donc je suis un peu. Je suis toujours un peu frustré de voir que, en fait, Verstappen est le meilleur pilote actuel. Que 97 ou 96% de ce qu'il fait est parfait, mais qu'au moment où il faut se battre avec juste quelqu'un en piste, il est incapable de le faire de manière propre et ça ne change pas. On espère que la FIA mettra plus d'avertissements en course si c'est le cas. Ouais. Et surtout, pensez peut-être à mettre des places de pénalité sur le prochain Grand Prix, parce que là, les 10 secondes qu'il a eues, certes, c'est une sanction, mais ça n'a pas changé grand-chose à son résultat. Même ça n'a même rien changé à son résultat. Donc voilà, ouais, il faut des sanctions un peu plus lourdes que ce genre de sanctions sur des secondes. Moi, je pense que. Alors là, la course n'étant pas finie, la sanction a pu s'appliquer. Donc, bon, malheureusement, ça n'a rien changé pour. Enfin, malheureusement. Voilà, il n'a pas du tout été pénalisé par ça, si ce n'est qu'il a perdu effectivement la victoire ou la deuxième place. Mais voilà, ça n'empêche rien, ça n'enlève rien en fait que Norris lui a tout perdu sur cette action-là. Donc voilà, il y a un peu un problème de pénaliser toujours un peu en fonction des conséquences. Et des fois, la FIA se pénalise selon la cause, selon la conséquence. C'est jamais évident. Stella voulait s'intéresser un peu plus à la conséquence aussi. Peut-être qu'on y viendra, mais. Pour moi, c'est à la FIA d'être beaucoup plus ferme, surtout que Norris l'a quand même bien signalé à la radio deux fois, et je pense que tout le monde était assez d'accord sur ce qu'il signalait. Donc, la FIA adresse un avertissement. Alors, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a le temps que ça remonte au bureau des commissaires, que la commissaire dise OK, on le fait, que ça redescende. Effectivement, il y a peut-être des fois un ou deux ou trois tours qui se passent, et effectivement, tout s'est un petit peu enchaîné très vite. Mais voilà, c'est vrai qu'il faudrait des cartons jaunes rapides sur ce genre d'action. Donc, je sais pas comment la FIA pourrait les mettre en place, mais voilà, après ça pourrait être très très très bien, ou de deux cartons jaunes, ben, tu laisses passer ton adversaire, c'est tout quoi. C'est ça. Sanction directe, tu laisses passer ton adversaire, t'as perdu ta place quoi. Hachoum dit il va falloir juger les conséquences en plus des actes, mais le problème c'est qu'aujourd'hui la FIA ne fait que ça, puisque la preuve, Verstappen fait trois conneries hier, et en fait celle qui est jugée c'est celle où ça tape, et alors que la FIA dit explicitement qu'elle ne juge pas les conséquences, mais c'est faux, puisque en fait les conséquences sont quand même... les conséquences sont quand même Non, très jugées. non. On en parlait la semaine dernière à Barcelone sur les touchettes volontaires de Leclerc et de Stroll qui vont percuter, même légèrement, mais percuter volontairement leurs concurrents en piste en essai libre. Si jamais il y avait eu des dégâts ou même un crash, là évidemment qu'il y aurait eu des sanctions très très lourdes de la FIA parce que les conséquences, et non pas l'acte en lui-même, auraient été davantage marquées. C'est ça. Donc voilà, après, je sais pas si s'il y a grand chose de plus à dire sur ce. Non, on va pas s'éterniser plus là-dessus. Je pense Sur qu'on est cet tous assez accrochage, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord. d'accord. C'est vrai que Ah, c'était maintenant, un peu. ça va mettre la pression sur Verstappen au prochain Grand Prix. Peut-être qu'il y aura, c'est à prendre en compte pour évaluer les pénalités, c'est aussi finalement les récidives des pilotes. Hein. Si Verstappen refait les mêmes manœuvres dans deux Grands Prix, est-ce qu'il ne faudrait pas doubler la sanction en prenant en compte voilà, Ah. Magnussen en a été un petit peu victime de rien. Donc voilà, il y a J'ai peut-être juste aussi qu'on. ça à prendre en compte dans l'échelle des Je dis pénalités. juste qu'on arrive à Silverstone, que Mercedes aura des évolutions, qu'Hamilton voudra briller, il va se retrouver face à Verstappen, et advienne que pourra. C'est ça. Russell va gagner son. Max, tu aimes Cops, n'est-ce pas? Allez, retourne voir Cops. C'est Sobret Inédit qui demande pourquoi Max a été jusqu'au boutiste alors que Lando allait recevoir une pénalité. Red Bull ne lui a pas dit. Et ils ont dit que c'était sûrement une de leurs grosses erreurs de ne pas lui avoir dit qu'il était sous enquête parce que c'est normal qu'il n'aurait pas agi pareil. Surtout qu'il a bien eu sa pénalité, Lando Norris. Il a bien Oui. eu ses 5 secondes. Mais Ça, bon, elles sont tombées pile au moment de l'accrochage en fait. Donc. c'est ça. Mais bon, il était plus en course, donc voilà. Donc voilà. Et voilà, c'était le J'ai eu gros. peur qu'ils prennent 3 places de pénalité sur la grille, comme cette pénalité de 5 secondes. C'est ça. Ça a été... Non, c'est le gros regret, effectivement, de Marco, notamment. Horner aussi, certainement, de ne pas avoir prévenu Max qu'effectivement, il y a 5 secondes qu'elle est tombée pour Norris. Après, on préfère quand même voir l'ordre sur la piste, être l'ordre dans l'arrivée. C'est clair que si Verstappen avait laissé passer Norris, est-ce qu'il aurait pu rester à 5 secondes derrière, vu le rythme qu'avait Norris? Pas évident. Maintenant, sur ce circuit, tout le monde l'a constaté, c'est que dès que vous êtes dans le DRS, vous êtes énormément favorisé. Parce que voilà, il y a plusieurs zones de DRS qui sont extrêmement favorables pour coller. Comme le circuit est très court, ça compense tout handicap quasiment de votre voiture. Et quand on voit qu'il y a eu. Surtout pour Red Bull en qualif, hein, c'est ce qui a avantagé Red Bull en qualif. Avec 3 zones DRS, vous passez une grande partie du tour avec le DRS, et on sait que le DRS de Red Bull est très puissant. C'est aussi pour ça que Verstappen a fait des tours canon, 3-4 dixièmes devant tout le monde. Et c'est un avantage qui a été forcément un peu diminué en course, même si effectivement je suis d'accord pour dire que Red Bull semblait quand même avoir la meilleure voiture ce week-end, même de peu, un peu comme. Meilleure voiture au début de course, moins bonne voiture en fin de course. C'est toujours Voilà, pareil. un peu qui a eu la tendance hein, de ces On derniers voit Grands Prix. ce qu'on voit depuis Miami, ouais, à peu de choses près. On passe du coup à Ferrari. Ferrari qui a fait un week-end encore un petit peu On compliqué. n'a pas Alors. parlé de l'autre Red Bull. On n'a pas parlé de Red Bull, Ah, c'est-à-dire, j'étais de chez McLaren. McLaren, Ouais. bah oui, je suis bête. Non, non, on n'a pas parlé. On parlera de l'autre Red Bull. Après, justement, on lui laisse un chapitre complet. On parlait de Ferrari, 3e place de Carlos Sainz, 11e place de Charles Leclerc qui a dû passer par les stands au premier virage, enfin au premier tour, après un accrochage au premier virage. Globalement, un week-end plus compliqué pour Ferrari, enfin, un week-end plus compliqué, un autre, nouveau week-end compliqué plutôt, depuis le très bon résultat de Monaco. C'est plus exactement ça pour Ferrari. On voit que les circuits ne conviennent pas forcément à la voiture, mais qu'aussi les évolutions ne sont pas forcément aussi bonne qu'espérée et aussi bonne que celle de la concurrence. Et du coup, la Scuderia est maintenant la 4e force du plateau. Alors c'est vrai qu'encore une fois, les écarts sont assez infimes et que il n'y a pas de danger. Frédéric Vasseur n'est pas encore trop inquiet. Mais c'est vrai que la dynamique n'est pas très très bonne, comme tu disais tout à l'heure, Franck. Et effectivement, on peut commencer à s'inquiéter, savoir est-ce que Ferrari va pouvoir continuer comme ça et réussir à repasser dans le groupe des leaders de manière plus proche. Parce qu'il ne faut pas oublier que. À plusieurs reprises, notamment à Melbourne et à Monaco, ils étaient vraiment meilleurs que Red Bull. Enfin, en tout cas, au niveau de Red Bull. Et que là, du coup, ils ne le sont plus du tout. Ouais, là, le Du pro. côté de la presse italienne, on commence déjà à comparer Vasseur à Binotto dans la mesure où Binotto disait il y avait un côté méthode Coué et tout va bien. Hein, c'est un petit peu, c'est vrai, le même discours qu'on entend chez Vasseur, à savoir que les évolutions fonctionnent et qu'on n'a pas une chance, c'est un week-end sans et ça va finir par venir. Et voilà, on a un peu un discours, je trouve, un peu d'autocomplaisance chez Ferrari. Il faudrait prendre acte du fait qu'on est maintenant la 4e force, au moins depuis 2-3 courses, et que le bilan comptable commence à être vraiment très très très très décevant. Hein. Donc évidemment, la tendance peut s'inverser et ça ne doit pas remettre en cause le travail qui a été effectué depuis un an et qui reste très bon, mais je trouve qu'un peu plus de prise de conscience, hein, et de Vasseur serait peut-être le bienvenu, ne pas trop être rassurant pour se rassurer et avoir aussi un discours lucide hein, sur le travail de Ferrari qui est pour l'instant qui est donc la quatrième force du plateau, hein, extrêmement décevant. Donc voilà, attention, il n'y a pas évidemment, il n'y a pas de crise, etc. Mais on sent déjà voilà un peu d'impatience monter. Moi, j'aimerais bien que Vasseur soit un peu plus peut-être lucide sur les erreurs qui ont été commises et par Ferrari. Et oui, les évolutions fonctionnent. Peut-être que les évolutions fonctionnent et qu'elles donnent les chiffres attendus, c'est le discours officiel. C'est peut-être aussi que les chiffres n'étaient pas bons, assez bons, hein, qu'on attendait de ces pièces en soufflerie. Ah oui, alors le problème des évolutions, c'est qu'elles causent du marsouinage de nouveau, en fait. C'est un petit peu ça qui les a handicapés ce week-end. Et d'ailleurs aussi un petit peu à Barcelone. Donc apparemment, pour bien faire fonctionner la Ferrari, il y a une plage de réglage qui font qu'avec ces évolutions-là, le marsouinage est revenu aussi un petit peu. Donc ça veut dire que une ou deux pièces qui ont été introduites, bon, probablement au côté du plancher, voilà, provoquent ce marsouinage. Et c'est ce qui leur permet effectivement de ne pas vraiment exploiter le potentiel attendu. Voilà, normalement en termes de gains. Donc bon, effectivement, comme dit Manu, comme tu le dis, comme Frédéric Vasseur l'a dit, il n'y a pas encore de péril dans la demeure. Il faut effectivement comprendre pourquoi ce marsouinage est réapparu avec ces pièces-là. On nous parle dans le chat qu'il y a des pièces qui étaient prévues pour qui avancées pour Silverstone. Non, non. En fait, toutes ces pièces-là devaient arriver pour Silverstone et ont été avancées au fur et à mesure. Il reste des pièces effectivement à introduire à Silverstone. Voilà, mais en fait, c'est toute une partie du package qui a été avancée en Barcelone, Autriche et Silverstone pour la fin. Donc, c'est pas le one shot qui était prévu pour Silverstone, c'est en fait, ça a été avancé au fur et à mesure. Donc, voilà, il suffit effectivement pour la Scuderia, pardon, de comprendre pourquoi il y a ce marsouinage qui est revenu. Après, voilà, ils savent le contrôler, ils savent le maîtriser. Si, avec deux courses maintenant, peut-être de data, ils vont pouvoir comprendre tout ça. Ça sera important aussi parce qu'à Silverstone, c'est quand même une piste qui, en termes de marsouinage, est extrêmement exigeante. Parce que là, on est vraiment sur un circuit d'aérodynamique et où les voitures sont vraiment plaquées au sol. Donc, il serait important d'avoir les bons réglages là-bas. Et nul doute que si voilà, ils ont constaté que le marsouinage était revenu, il y aura peut-être deux solutions de plancher qui seront apportées. Peut-être la précédente, voilà, histoire de se passer de ce phénomène-là, parce qu'à Silverstone, c'est très pénalisant. Voilà, donc bon, pas de pari dans la demeure. On savait que Ferrari n'était pas encore au niveau de Red Bull. Ils sont par contre passés un cran derrière McLaren. Et attention, effectivement, à la progression de Mercedes. Donc Ferrari pourrait chuter être à la quatrième force du plateau s'il ne résolve pas ce problème-là. Donc, mais tout se joue effectivement en mouchoir de poche. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai une statistique sur les 5 dernières courses, donc ce qui compte quand même leur très très bon week-end à Monaco où ils avaient fait premier et troisième. McLaren a marqué 144 points, Mercedes a marqué 131 points, Red Bull en a marqué 116 et Ferrari 104. Alors derrière, c'est le gouffre, puisque Aston Martin a marqué 16. Donc, on voit bien que Ferrari est la quatrième force malgré son très bon résultat à Monaco. Et que, en fait, il concède quand même 40 points à McLaren en 5 courses. Donc, l'écart se réduit vraiment drastiquement. Et ils en concèdent aussi 27 à Mercedes. Donc, en fait, même la troisième place du championnat ne sera pas non plus assurée. Le Canada a quand même coûté très cher. Le double abandon au Canada a quand même coûté très cher. Hein, ouais, ça c'est clair. Mais en fait, toutes les autres équipes ont aussi eu des problèmes. Red Bull n'a qu'une voiture, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Red Bull, ils ont causé leur propre problème. Hein. Ah bah, complètement. Hein. Voilà. Complètement. Non, en fait, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de choses à dire sur Ferrari. Non. Parce que justement, je glissais volontairement ça avant qu'on parle de Red Bull, puisque donc Max Verstappen finit cinquième, alors avec une pénalité et un accident, il termine deux places devant Sergio Perez. Malgré les pénalités, malgré tout ça. Voilà, mais ouais, malgré un accident, malgré un tour avec une roue crevée, il termine Mais devant Sergio Perez. 17 secondes devant, ouais. Voilà. Après, Perez avait à peu près il paraît, un peu Alors, des dégâts. il avait un trou dans son ponton, mais qu'il a fait en allant taper Piastri au premier tour, donc c'est auto-infligé, donc pour moi, c'est pas un argument. Et en fait, il a une seconde au tour toute la course. Et Puis il a 9 dixièmes en qualif, hein, il est à 9 dixièmes en qualif sur un circuit de 64 extrêmement secondes. court. Il n'y a pas beaucoup de virages. Et sur les mêmes 5 dernières courses dont on parle, Max Verstappen marque 101 points, Sergio Perez marque 15 points. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une catastrophe. Là, pour l'instant, on est pas loin d'accident industriel, alors qu'en fait, il vient d'être prolongé pour 2 ans de plus. Perez ne met plus une roue devant l'autre. Il a fait donc une erreur au départ en envoyant Piastri dans les graviers. Il a la chance que la FIA soit encore au café au premier tour parce que sinon il prend une pénalité. Et il se fait dépasser par Hülkenberg dans le dernier tour alors qu'il venait de le passer. Enfin, il y a vraiment, je trouve que... Et puis tout le week-end, il évolue dernier du groupe des leaders, en fait. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème. Il a de la chance que Leclerc soit ensuite loin, mais il est complètement, complètement de, pas dedans. C'est la tendance de l'an dernier en pire. Hein. Ouais. C'est la première fois depuis 5 courses, je crois, qu'il se qualifiait dans le top 10. Donc oui, donc c'est évidemment c'est catastrophique. Après, dans une RBF1, c'est quand même pas mal d'arriver. Peut-être qu'il ferait mieux dans une RBF1. Non, mais il termine de... Encore une fois, il termine deux places devant Ricardo. Il n'est jamais très loin devant la première RBF1, et, voire derrière des fois. Et puis c'est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve que c'est une catastrophe en termes de rythme. Les 9 dixièmes sur... En fait, c'est sur un circuit. Quel scandaleux. Même Sargeant prend 2 dixièmes par Albon, je crois. Joe prend 3 dixièmes par Bottas. Donc, c'est des pilotes qui, normalement, les pilotes qui sont en difficulté. Et là, Stroll est devant Alonso et tout. Et lui, il prend 9 dixièmes. Et oui, Max Verstappen est le meilleur pilote du monde. Mais Max Verstappen n'est pas Superman, et Max Verstappen ne va pas plus vite que sa voiture, parce que c'est pas vraiment possible. Et du coup, Pérez va juste 9 dixièmes moins vite que ce que la voiture est capable de donner dans les mains d'un excellent pilote. Pérez est juste protégé politiquement, soyons clairs, hein, par Christian Horner, pour l'instant. Pour des raisons qui nous échappent certainement. Hein. Bon, il y a le côté marché sud-américain. C'est peut-être lui qui a envoyé le mail au journaliste. Bon, je sais pas. Hein, à ce niveau-là, on peut tout imaginer. Après, tu dis oui, effectivement qu'il va signer pour 2 ans, c'est plutôt 1 plus 1, hein, soyons clairs. Mais c'est déjà fou. C'est déjà fou. Bon, voilà, personne ne comprend, clairement, cette prolongation. Et plus ça passe, et on comprend encore moins. Le problème, c'est qu'à mon avis, Horner espérait à tout prix mettre Ricciardo à sa place et voit que c'est pas encore ça. Mais je commence à me demander si un Ricciardo à la place de Pérez serait pas meilleur quand même. Ça va mieux pour Ricciardo. Hein, depuis que... C'est ça. Je suis en train de... Alors certes, tout le monde dirait, mais pourquoi vous mettez pas Tsunoda à la place? Bon, là, ça c'est encore un problème politique, effectivement, entre Marco et Horner. Donc on va en venir juste après le cas Pérez. Bon, Verstappen, finalement, on a plus ou moins évoqué déjà son cas à lui. Pérez, c'est clairement politique. Voilà, Verstappen, il se dit prêt à avoir n'importe qui à ses côtés. Bon, il n'y a pas de raison de douter du contraire. C'est affligeant, je veux dire. Et plus les Grands Prix passent, et plus il faut soutenir le soldat Checo, et plus il s'enfonce. Et ça devient catastrophique. Je veux dire, 9 dixièmes sur un circuit de U qui vont vous tourner en 1 minute 04, c'est catastrophique. Et puis, je veux dire, c'est pas un circuit de pilote, hein. Je veux dire, les virages sont assez simples. C'est du 90 degrés la plupart du temps. Il y a deux virages un peu rapides, qui arrivent avant le 9 et le 10. Bon, on va dire 9 et 10 sont aussi, faut de l'engagement. Mais sinon, c'est pas extrêmement compliqué en termes de pilotage. Non. Et se prend une valise monumentale. On l'avait déjà dit, mais Albon et Gasly, ils auraient déjà dégagé 10 fois. Donc voilà, il y a quelque chose de politique clairement qui le protège pour l'instant. Parce que voilà, il y a des problèmes politiques chez Red Bull, et on va arriver sur ce chapitre. Maintenant, je crois. Alors, juste avant, petite réponse à des commentaires du chat. Dr. Kenobi qui dit qu'il va finir 8e du championnat et ça continue. Il faut savoir qu'au rythme où ça va, par rapport notamment à Russell qui a marqué 73 points dans les 5 dernières courses, Perez sera 8e du championnat dans 4 courses, j'ai calculé selon la moyenne. Donc, oui, il va probablement finir 8e du championnat. En fait, c'est factuel. La deuxième question, Satanas Diablo me demande, est-ce qu'il ne regrette pas d'avoir prolongé Perez? Je pense que tout le monde, sauf Horner, le regrette. Horner, lui, non, apparemment. Et... Bon, à mon avis, il peut quand même être éjecté à tout moment. Hein, ouais. Même si en Espagne, on a vu Helmut Marko le féliciter pour sa 8e place. Donc, bon, hein, je ne sais pas trop. Et Guigui nous demande, Perez emmène combien d'argent au budget de Red Bull? Alors, il emmène environ 11 millions, dont 8 servent à le payer. Donc ça fait une petite valise en plus. C'est un pilote payant, mais c'est pas un pilote qui amène beaucoup. Les ventes de canettes au Mexique, j'ai vérifié, parce que j'ai creusé les stats. du coup, je me suis dit, on va aller au bout du truc. J'ai compté les canettes une par une. Absolument, je me suis fait chier. Ils sont allés, j'ai vu sur un site qui s'appelle Statista, je crois, qui a mis que en fait, les ventes sont assez instables selon les périodes et tout, mais que entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, on est sur des volumes de canettes quasiment similaires. Je crois que c'est 14 400 tonnes de je sais pas quoi. Enfin bref, mais c'est des volumes similaires. Donc c'est pas ça non plus. Ça, reste... c'est du professionnalisme. Eh, t'as Je vous vu? rappelle que Oracle apporte à peu près 100 millions de dollars par an Non, ouais. Ouais. à Red Bull. C'est ça. Donc Et voilà. Bibit, je crois que c'est 20 ou 30. Les calculs sont utiles. Parce que ces deux sponsors, en gros, amènent quasiment de quoi boucler le budget, et Red Bull fait le reste. Ouais. Et en fait, donc Perez, c'est une goutte d'eau, en fait, là-dedans. Alors certes, ils vendent du merch, mais c'est pareil, le merch, c'est une goutte d'eau aussi. Donc, c'est clairement politique. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite, puisque Franck voulait commencer à parler politique chez Red Bull. Attention, il y a de quoi dire. vous êtes prêts, vous êtes connectés? C'est parti pour. Alors, on pensait que tout était à peu près calme, au moins côté public, hein, je veux dire, ça discutait plus trop, voilà. Et voilà que Jos Verstappen met son petit grain de sable. Voilà, Jos Verstappen aurait dû participer à une démonstration invitée par le circuit à rouler sur une Red Bull RB8, donc ex-vainqueur Vettel. Hein, donc, c'est même pas une ancienne F1 de son fils, hein, c'est une ancienne Red Bull qui sera en démonstration. Mais voilà, Christian Horner ne voulait absolument pas le voir au volant de cette voiture. On sait quand même que c'est comme Jos Verstappen qui, au tout début d'année, quand même vilipendait le fait que Horner restait à la tête de l'équipe, que ça allait causer son implosion et tout ça. Donc, Horner n'a pas digéré, évidemment, et a souhaité que si la parade se faisait comme avec Verstappen, celle-ci ne soit pas absolument pas filmée, qu'il n'y ait pas d'image qui reste, voilà, qu'il ne met pas son nom qui apparaisse à l'écran et qu'on ne garde pas les images. Ce à quoi Jos Verstappen a dit, puisque c'est dans ces conditions-là, je ne le fais pas. Et du coup, c'est Patrick Freezer qui a récupéré sa Red Bull pour la petite info. Il voulait Mais vraiment pas qu'il fasse la conduite parce que pour aller chercher Freezer. voilà, mais Horner avait aussi quand même lâché, d'après Verstappen, que Joss, faut peut-être quand même bien se méfier, comme c'est une vieille F1, les freins pourraient lâcher. Enfin, ouais, vous voyez le niveau, quoi. C'est menace, pourrait y avoir un problème, quoi. Waouh, Il là, on a reçu un petit courrier avec des lettres découpées dans un journal lui disant attention aux freins de la RB8. On est rentré dans le sommet. Alors quand vous voyez qu'un Max Verstappen, alors qu'il faut quand même lui arracher un oui, je serai chez Red Bull en 2025, se tord les boyaux en conférence de presse le jeudi pour dire que oui, il sera bien chez Red Bull l'an prochain parce qu'il bosse pour la nouvelle voiture et tout, et que si on bosse pour la nouvelle voiture, c'est pas pour partir. Et qu'à côté de ça, vous avez une telle histoire derrière, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, pardon, Max s'est clairement rangé du côté de son père. Et n'a pas du tout apprécié ce que Horner a fait à son papa. Marco, pareil. Marco, alors il a vécu ça de manière voilà, totalement horrifiée. Parce qu'on est quand même sur le Red Bull Ring, quand même, hein, le Ouais. Grand Prix de Red Bull. Ah bah oui, non, mais là J'ai un c'est peu mal signalé. Donc là c'est vraiment laver le linge sale en public, quoi. en termes d'image, c'est catastrophique. Et donc voilà, donc Jos Verstappen qui exclut pas. En plus, Jos Verstappen qui s'est bien affiché chez Mercedes en faisant des gros. Alors, Voilà, des gros moi pushs et tout franchement, ça. là je vais vous dire un truc. Moi je suis Alors. Toto Wolff, je lui propose un roulage dans une vieille Mercedes dès la semaine prochaine à Silverstone. Je te Exactement. jure, mais peut-être tu lui dis viens, il n'y a pas de problème si tu veux rouler dans une vieille voiture. Moi je lui En donne plus, comme dit. en plus, les freins sont OK. On a changé les freins et tout, il n'y a pas de souci. Voilà, et du coup, Yos qui dit que voilà, il n'exclut pas non plus que son fils puisse passer finalement chez Mercedes. Et effectivement, c'est tout ça, c'est très très c'est très très fou. Parce que, et même Marco, ce soir, si vous avez lu le dernier article sur Nagano, l'avant-dernier, voilà, qui dit qu'effectivement, bah, il est clairement dans le camp de Max, que tout ce qu'il a vécu ce week-end, ça l'a extrêmement choqué, qu'il était vraiment dans le camp de Max, et que sa présence chez Red Bull était liée à la présence de Verstappen, c'est oui, un oui ferme, et que ce qu'il pense, et la politique, c'est la politique, enfin, ce que pense Max Verstappen. Donc en gros, si Max Verstappen en a un peu marre de ce que fait Horner avec son père, avec l'ambiance et tout, si Verstappen veut s'en aller, Marco suivra, et permettra effectivement à Max Verstappen d'aller chez Mercedes s'il a envie d'y aller. Donc tout ça ressemble effectivement à une grosse soupe qui n'est toujours pas cuite, qui n'est pas consommée et qui pourrait finir par terre. Donc On va finir en voilà, bouillon, hein, en l'occurrence. c'est ça. Donc là c'est voilà, on pensait que c'était on pense non, enfin, on pensait pas que c'était réglé entre nous, hein. En tout cas, au niveau public, on pensait que c'était à peu près réglé. On sait maintenant que le dernier coup de dé, ça va être l'affaire éventuelle devant le pénal pour Horner, donc si la justice britannique est saisie parce que l'employé n'a pas eu gain de cause en appel. Et ça, pour l'instant, on n'a toujours pas de conclusion du rapport. Et si même il y a une conclusion qui a été rendue, donc on n'a pas eu de nouvelles de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est encore une image extrêmement affligeante de ce qui s'est passé chez Red Bull, une cuisine. Ouais, franchement, ouais, c'est délétère et qui prouve bien, encore une fois, voilà, qu'il y a un gros, gros, gros souci entre Horner d'un côté et Marco, le clan Verstappen, de l'autre, et que ça peut casser à tout moment. Donc Toto Wolff a bien raison de jouer la montre. Toto Wolff a bien raison de dire quand on aura une voiture gagnante, on est prêt à accueillir Max. Voilà. Bon, ils ont une voiture gagnante, hein, ça y est. Bah, c'est ça. Bon. Hein. Non, mais là, en fait, pour eux, c'est le parfait truc, parce que la voiture s'est bien fonctionnée. Puis au moment où on commençait à penser que justement, ils allaient perdre la dynamique pour Verstappen, et là, en fait, la dynamique, elle est totalement de leur côté, parce qu'ils ont une voiture qui marche, une équipe qui a une place libre et une bonne ambiance. Et du coup, il n'y a pas vraiment de dire, il n'y a pas vraiment à dire que Max serait perdant d'aller là-bas, en fait, pour l'an prochain. La dernière déclat intéressante de Marco, c'est on s'est mis d'accord pour qu'on joue le titre cette année. Quand on lui pose la question de 2025, il n'y a pas de réponse. Donc voilà. Dingue, hein. Étoile Polaire demande qu'est-ce qu'on a à faire de Yoss. Ce mec veut devenir une vedette. Étoile Polaire. Étoile Polaire, oui. Bienvenue à toi. Bienvenue. On l'a trouvé aussi. Le fait est que Yoss, en fait, nous, on n'en a pas grand-chose à faire, mais c'est le père de Max. Donc à partir de là, il est ultra influent. Oui. Il fait partie des trois personnes les plus influentes dans la vie de Max Verstappen, qui sont Jos Verstappen, Helmut Marko et son manager Raymond Vermeulen. Et ces trois personnes-là, elles ont la confiance totale de Max. Donc quand elles disent quelque chose, quand elles vivent quelque chose, quand elles ressentent quelque chose, elles lui disent, et ça passe aussi par Max. Donc du coup, Et Max a critiqué Horner, clairement. Et Max a critiqué Horner et il en a marre, justement. Non, mais je sais bien que c'est pour eux aussi que tu demandes, Étoile Polaire, mais en fait, le truc, c'est que nous, ça paraît totalement absurde que ce soit Jos Verstappen qui ait les rênes de quelque chose, mais dans la galaxie Verstappen, en fait, l'importance, elle lui est pas donnée par les faits, mais juste par Max, et Max est la clé de voûte de tout ça. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, au bout d'un moment, Red Bull, ils font de la politique, ils font des trucs comme ça, mais à la fin, le point stratégique, c'est est-ce que Max Verstappen va rester ? Et comme l'a dit très justement son père dans le week-end, aujourd'hui, c'est Verstappen qui fait Red Bull et pas l'inverse. Et malgré tout, alors certes, Verstappen n'est pas un surhumain, mais il n'empêche que sans Verstappen, avec un pilote moins bon, l'équipe ne serait plus où elle en est aujourd'hui. Et ça, c'est certain. Je réponds à l'importance qu'on lui donne. Il a une énorme importance sur Verstappen. Je vois effectivement beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, sur notre propre page Facebook, côté des informations qui sortent à ce sujet, sur que Yoss ferme sa gueule, qu'il arrête de foutre la merde et tout. Mais non, en fait, Yoss ne fait qu'être le porte-parole un petit peu de ce qui se passe en ambiance interne, et c'est extrêmement suivi par Marco et par Max. Donc en fait, c'est vrai, il faudrait tout lire sur Next Gen Auto pour vous suiviez vraiment la file conducteur. Je sais que beaucoup le font, mais beaucoup de fans ne le font pas. Ils disent, mais pourquoi Yoss, il se mêle de tout ça? Parce qu'il a vraiment une très très gros intérêt dans tout ça, et il a une très grande importance, et ce qu'il dit est extrêmement important aussi. Donc c'est pas une question de lui donner de l'importance, c'est qu'effectivement c'est comme l'a dit Manu, c'est une charnière dans tout ça, et si ça se passe mal entre Yoss Verstappen et Christian Horner, ils avaient réussi un peu à, entre guillemets, à couper les ponts, à plus s'affronter en public, ce qu'a fait Horner à Yoss Verstappen sur ce Grand Prix là l'empêcher de faire une démonstration, filmer tout ça. C'est une démonstration pour une Red Bull. En gros, c'est vraiment la revanche, la petite revanche, la petite querelle, quoi. Ça suffit pour raviver les tensions et pour que Max déjuge enfin pour la première fois publiquement son patron d'équipe en faveur de son père. Et ça veut tout dire. Je ne sais plus qui a parlé de kindergarten, jardin d'enfants, hein, la cour. Marco en a parlé, oui. Voilà, en maternelle, c'est un peu ça, sauf que là, on vit entre adultes et les conséquences peuvent être beaucoup plus graves, hein, sur la suite de l'avenir de Red Bull. Et Max a d'ailleurs dit que ce genre de conneries devrait être évité, en gros, parce que lui, il a dit qu'il n'avait pas, enfin, que c'était dommage. Ça fait un soulé, hein. Ah, mais complètement. Je pense que c'est un peu le cas déjà. Quand il a répondu ce week-end, il semblait vraiment, en gros, dire que ça aurait été mieux que ça se produise pas. Et bon, là, pour l'instant, ça le pollue pas trop, mais à force, ça peut arriver quand même. Je pense que si Horner a vraiment menacé que la Red Bull risquait de casser ou d'avoir un problème au freinage, ça n'a pas dû plaire du tout à Max. Hein. Ah bah non, clairement. Non. Donc ouais, c'est vraiment à suivre parce que chaque grain de sable pour Red Bull, et c'est pas que en course, c'est aussi hors piste, va pouvoir être un événement qui va provoquer un départ de Verstappen, ou en tout cas quelque chose de... C'est juste une menace dans le chat, mais ça se fait pas. C'est déjà trop. Menace. C'est énorme comme c'est menace. C'est déjà trop. Dire, un ami, quelqu'un de votre famille vous dit, attention, fais gaffe à tes freins, je viens de pas te les couper dans la nuit, sur le ton d'ironie. Comment tu veux qu'il y ait un climat de confiance et de sérénité derrière après ça? Je veux dire, on parle d'une équipe de F1 qui a besoin d'être ultra posée et ultra solide sur ses appuis. Et là, c'est pas du tout le cas pour Red Bull. Donc, pour casser son contrat à Max, ça coûterait combien? Rien. Rien. Bah si Max veut partir, Marco suit. Et Voilà. si Marco n'est pas là, il l'a dit en plus. Hein, si Marco il a dit, si je suis pas exactement dans mes fonctions, si je ne suis même pas maintenu dans mes fonctions exactes, je suis libre donc du coup de partir. Et Max de partir aussi. C'est extrêmement clair, net et limpide. Ça coûterait 0 €. Ce serait de la perte totale et sèche pour Red Bull. C'est la fameuse clause qui avait été rajoutée dans le contrat de Verstappen au dernier Oui, moment. Marco en a parlé, il y a deux clauses, effectivement. Il y a la clause Marco, il y a la sienne. Il y a une clause de performance. Elle a dit, effectivement, Max ne peut pas faire jouer sa clause de performance en ce moment, évidemment, vu ce qu'il gagne. C'est ça. Par contre, la clause Marco, elle est toujours valable. Elle sera valable à n'importe quel moment, du jour et de la nuit, si Marco se réveille un moment, un matin, en disant, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de me casser, et qu'il se met d'accord avec Max pour aller chez Mercedes, et ben, il le fera. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. D'ailleurs, moi, je suis même étonné que ce ne soit pas déjà fait. Je pense que là, ils vont attendre de voir qu'effectivement, que peut-être que le titre va bien jouer pour la Red Bull. Ils vont en engranger encore un. Et ça devrait pouvoir jouer comme ça. Ou à la limite 2026, plutôt. Et Toto Wolff a dit, j'attends jusqu'en novembre. Donc en gros, bah, si le titre se profile en septembre ou en octobre, qui peut avoir Verstappen, je veux dire, moi, soyez pas surpris qu'en septembre, octobre ou novembre, vous ayez un Verstappen annoncé chez Mercedes. Hein. Moi, je serais même prêt, s'il y avait une cote quelque part, un pari là-dessus, à mettre quelques dizaines d'euros dessus, pour pas dire centaines. Ça doit exister au Royaume-Uni. Oui, on va trouver Oui, au ça. Royaume-Uni, pareil, surtout, même aux Et même, États-Unis. même le Premier ministre du Royaume-Ouais. Royaume-Uni est dans un scandale, puisqu'il a parié sur les résultats des élections avec ses conseillers. Ça lui a posé des problèmes. Je pense que ce genre de pari doit vraiment exister. C'est bon pour Netflix. Alors là, par contre, ah oui, je vais quand même en parler un petit peu parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le site officiel de la F1, depuis l'éclatement de l'affaire Horner, c'est-à-dire début février, n'a jamais parlé une seule fois. Une seule fois de tout ce scandale, tout le problème des Jamais. politiques internes, de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on vous a raconté depuis le mois de février, mais on n'a jamais dit une seule ligne. À chaque fois qu'ils parlaient effectivement d'un transfert de Verstappen possible chez Mercedes, parce que forcément, il y a des questions là-dessus. Ils ont toujours réussi à détourner les questions et les réponses de Max pour dire juste que c'est une pression comme ça, voilà, pourquoi tu ne changerais pas d'équipe, parce que voilà, mais ils n'ont jamais dit un seul mot de tout ça. Donc voilà, je tiens à signaler que le site officiel de la F1 n'a jamais parlé une seule fois de toutes ces embrouilles. Et j'espère donc quand même que Netflix n'aura pas été briefé pour éviter aussi le sujet. Mais ça sera compliqué quand J'ai peur que si, ouais. Honnêtement, je pense que. même. Est-ce qu'ils vont pas parler de Briatore aussi, comme le site de la F1 n'a jamais mentionné le fait que Briatore Maintenant, parce qu'il est avait parti. quitté la F1, voilà, il est parti de la F1 sans Il plus a de pris plus. quelques temps loin de la Formule 1. Ce qui est quand même une sacrée langue de bois. Du bois massif. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour Red Bull. Donc, globalement, une équipe où pas grand-chose se passe bien, mais malgré tout, ils creusent quand Quand même même l'écart au championnat. sur la piste, hein, moi j'étais quand même surpris de l'avance qu'ils avaient pris quand même sur McLaren, hein, qui était plus important qu'à Barcelone et qui montre que, enfin, Verstappen, il a quand même beaucoup de ressources et que cette Red Bull reste peut-être. Hein, voilà, c'était pour des circuits. Hein. À Barcelone, c'était légèrement McLaren qui avait la meilleure voiture. Là, c'était Red Bull avec plus d'avance. Ça promet pour Silverstone un bien malin, hein, celui qui dira, voilà, telle voiture sera devant, telle voiture à Et Silverstone. là où Marco a raison, c'est effectivement que McLaren, Mercedes et Ferrari se prennent des points les uns les autres, ce qui aide Ouais. effectivement Red Bull et Verstappen en tête du championnat. Et je tiens quand même à faire un gros compliment à Verstappen, puisque je lui ai fait un pogo start tout à l'heure. C'est que en Q1, tout le monde est serré, il y a moins de 9 dixièmes entre tout le peloton, et en Q2, il met 4 dixièmes à son poursuivant. Et je ne sais pas où il trouve ces 4 dixièmes en fait, mais Q2, Q3, il est tout seul en piste, il est tout seul au monde. Et bah, bravo à lui de savoir faire ce genre de choses, parce que là, pour le coup, c'est vraiment aller extraire chaque capacité de la voiture dans chaque virage, et 4 dixièmes, c'est colossal sur un circuit comme ça. Je ne parle évidemment pas des 9 dixièmes sur la deuxième voiture, mais déjà, les 4 dixièmes sur son plus proche poursuivant, c'est monstrueux. Monstrueux. Red Bull, c'est fini. Nous allons passer à As. Alors là, c'est la grosse cote du week-end aussi, parce que on a eu beaucoup de choses devant. Du coup, on a un petit peu oublié. Il y a eu deux abandons qui les ont bien aidés. Mais malgré tout, les deux voitures sont dans les points. Sixième, Nico Hülkenberg. Huitième, Kevin Magnussen. Sans le double accrochage devant, ça faisait 8 et 10 quand même. Donc, ça faisait les deux dans les points. Et ils profitent justement du fait qu'il y ait trois leaders au tapis, puisque Leclerc est derrière eux, pour. Bah, faire une bonne razzia de points, en marquer 12 et reprendre une place au championnat aux dépens d'Alpine. Globalement, c'était plutôt très bien. Même le sprint, ils n'étaient pas loin des points non plus. Ils étaient 9e en l'occurrence. Donc globalement, ça a été un très bon week-end pour Haas, qui a montré un bon niveau. Ils ont marqué 14 points et l'an dernier, ils avaient marqué sur toute la saison 12 points. Et donc, ils ont marqué plus de points en une course que sur toute la saison. Et puis, c'est leur meilleur Grand Prix, hein, en termes de résultats d'ensemble depuis déjà l'Autriche 2022, où Schumacher avait fait 6e et Magnussen avait déjà fait 8e. Donc, c'est très impressionnant pour Haas et qui donc repasse devant Alpine pour la 7e place au classement des constructeurs, hein, et pas qu'un peu, hein, puisqu'il y a quand même 10 points d'écart entre Haas et Alpine, hein, vu le 10 points marqués par chaque équipe à chaque fois, c'est quand même pas rien. Donc, ouais, Grand Prix, ouais, je pense que Ocon a dû apprécier ce Grand Prix pour sa possible future équipe. Ouais, non, super performance de Haas, qui a su tirer les marrons du feu d'un Grand Prix. Effectivement, il y a 2-3 leaders qui manquent à l'appel dans l'étape finale, donc ça fait des gros points. Pas des très gros points, mais quand on sait que ça joue au point ou à 2 points près sur la fin du classement constructeur, ben, en une seule course, Haas a effacé le déficit creusé par rapport à Alpine et a même repris un peu d'avance. Et donc Alpine de refaire des 1 point, 2 points au fur et à mesure pour recoller. Et voilà, il faut être là sur ce genre de course-là, effectivement. Alors, Alpine n'était pas très loin, on en parle pas juste derrière, mais pas loin. C'était quand même assez serré dans le peloton. Ils n'étaient pas largués par rapport à Haas non plus. Mais bon, Haas a surtout fait une très très bonne stratégie en faisant l'undercut assez tôt, en se décollant un petit peu de ce côté-là. Et il a roulé dans les bons pelotons, en fait, pour ne pas perdre de temps. Et voilà, et on a même vu aussi à un moment Hülkenberg profiter effectivement du fait qu'il roulait derrière une Red Bull, je crois d'ailleurs c'était derrière Verstappen, pour profiter effectivement de son DRS. Il était dans le rythme de la Red Bull, si je me souviens bien, et il restait derrière lui pendant 3 ou 4 tours. Pendant 3 ou 4 tours, il était free DRS pour lui, à reprendre du temps sur ses adversaires, et ça l'a beaucoup servi. Voilà, donc voilà, super course de Haas, très très bien exécutée. Et alors, je sais pas si ce sera la destination d'Ocon l'an prochain. On sait que Ocon effectivement très courtisé par Haas. On sait que Berman devrait être annoncé cette semaine à Silverstone. Mais Ocon, il a peut-être aussi un choix chez Williams aussi, si Sainz décide vraiment d'aller chez Alpine, ou d'aller aussi chez Audi, parce que Ocon, certes, il a choisi Haas parce qu'il pensait peut-être à Williams, il pensait qu'Audi, ce serait pour Sainz. Il n'est peut-être pas dit qu'Ocon ait décidé vraiment d'aller chez Haas en toute première priorité. Donc il a refusé d'ailleurs, et c'est logique de donner son ordre de priorité. Il en a un, évidemment, Bottas en a un, Sainz, on ne sait pas. Sainz, pour l'instant, je crois qu'il est... C'est le seul qui doit être dans un grand flou, en train de consulter des voyantes, ou je ne sais pas, pour essayer de trouver un petit peu chez qui signer. Mais voilà, Bottas a un ordre de priorité, Ocon en a un aussi. Tout dépendra effectivement de Sainz, mais voilà, Ocon chez Haas, c'est pas encore sûr, hein. Effectivement, il est très courtisé par Haas, mais James Vowles a aussi relancé la piste Ocon et la piste Bottas, en voyant que Sainz risque un petit peu de s'éloigner de lui. Voilà, pour finir un petit peu sur le chapitre Haas au niveau des transferts. Un petit peu. C'est ça. J'ai hâte de Netflix, on va avoir 4 épisodes sur Sainz en famille qui essaie de prendre sa destination. Ils vont passer la moitié de l'année en Espagne. Avec des cartons anciens et tout. Bah, c'est vrai que c'est assez la silly season continue hors piste, hein, quand même. Guigui demande, y a-t-il un monde où Sainz aura aucun volant? Non, parce que c'est le meilleur pilote sur le marché, donc avec Ocon tout le monde attend sur lui, donc, mais voilà, de toute façon c'est le pilote dont, enfin, encore une fois, c'est un des vainqueurs qui est sur le marché, et c'est un pilote dans une très bonne dynamique, donc il n'y a pas de raison dessus. Il y a encore plus de places disponibles que de pilotes chevronnés. Voilà, il y a Sainz, Ocon et Bottas, clairement, qui sont encore à caser. Il y a encore plus de places que ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ces trois-là seront toujours sur la grille l'an prochain. Bottas, on n'était pas sûr, mais finalement, oui. Juste sur Haas, je peux quand même souligner le bon week-end de Magnussen, hein, qui était seulement à 85 millième d'Hülkenberg, qui fait une énorme qualif, qui était aussi 9e du sprint. Donc, voilà, évidemment, le sprint, c'est le top 8 qui marque. Voilà, il était déjà 9e. Au sprint, donc voilà, cette performance de base, elle vient pas de rien. Et qui sait ne pas marquer de points de pénalité, parce que c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de lui depuis un bout de temps. Est-ce que Magnussen a 100% de chance d'être expulsé l'an prochain de base, ou 90% après ce week-end? 100%. Je me reste sur 100% quand même, je pense que c'est trop tard. Il commence un peu à parler de Voilà, du fait qu'il a fait son temps en F1, qu'il avait d'autres trucs aussi, d'autres projets, qu'il a plus la pression d'être, voilà, d'être vouloir absolument un volant en F1. Enfin bref, on sent que le discours commence à changer. Pour moi, c'est un des rares week-ends où il est proche de Hülkenberg sur l'ensemble du week-end. Et du coup, bah, c'est too little too late, quoi. Ça ne suffira pas, je pense. Il n'y aurait pas Berman dans l'équation, il y aurait encore deux places à distribuer de manière sûre. Je dirais oui, peut-être qu'ils vont faire un choix par défaut, mais là, j'y crois pas du tout. Si en fait il y a une place à mettre à côté de Berman, je pense qu'ils auront toujours le meilleur choix que Magnussen, même si c'est Bottas à la fin, tu vois, il y aura toujours mieux. Mais bon, quel mec, c'est Oui. Magnussen, de toute façon, n'est cité nulle part, ni chez Alpine, ni chez Non, c'est Williams, ça. ni chez Audi. Mais après, il était résigné à partir en endurance en Oui. 2022. Il faut qu'il le fasse, parce que je pense que c'est un excellent pilote qui a encore beaucoup de choses à donner au sport auto. Ça, Avec son là-dessus, papa, il a envie de le faire avec son papa. ce serait bien, depuis le temps. Attends, on part de Lance Stroll, là? Non? Non. Ah oui, non, Lance Stroll, c'est le tennis, pardon. Je vous en ai pas parlé. Je sais plus, c'est avec toi qu'on a parlé, Franck, mais du titre de. Il y a un titre de. Bon, on en reparlera pendant Aston Martin, mais Stroll s'est fait détruire par un magazine anglais. Ah non, c'est pas avec moi. Ah, d'accord, je vous le dirai. Je vous le dirai. On va parler d'abord de RBF1 avec la très belle 9e place de Daniel Ricciardo, la 14e place de Yuki Tsunoda qui n'a pas marqué de points et a pris 40 000 euros d'amende pour avoir utilisé des mots qui ont pu blesser des gens, puisqu'il a traité les autres pilotes de retards, ce qui veut dire attardé en anglais. Bon, il a prétendu qu'il ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Peter Bayer, son PDG, a confirmé qu'il était un peu, il n'avait pas capté la violence du terme, mais la FIA a dit ben ça ne se fait pas, ce qui est C'est totalement un peu normal. d'ailleurs comme en français, les gens qui confondent attardé et retardataire. Oui, C'est c'est un un, peu dans c'est le un, même, c'est un je peu dans le même déteste les style. gens qui, alors ça, malheureusement, Gaëtan Vigneron a tendance à beaucoup dire attardé et ça me à chaque fois, Mais ça me voilà. pose un peu problème. Le mot est bien retardataire quand on prend un tour à quelqu'un. Très bon week-end de Daniel Ricciardo globalement. Enfin, en fait, le début de week-end a été difficile pour RBF1. Il n'y avait pas de performance vendredi et puis ils ont décidé de mettre des nouvelles pièces sur sa voiture, sur une voiture, d'autres sur l'autre, faire des réglages différents et finalement la tambouille a plutôt bien pris. Alors pas trop pour Yuki Tsunoda qui avait pas de grippe, mais plutôt bien réussi pour Ricciardo qui marque 2 points, comme il le dit. Enfin, il aurait été dans tous les cas dans les points malgré enfin sans l'accrochage des deux devants, mais c'est vrai que voilà, c'est une voiture qui finalement visait les points, ce qui n'était pas du tout le cas à la course d'avant, donc c'est un peu plus rassurant, on va dire. Ouais, ils reviennent de loin parce que c'était très inquiétant, effectivement, les évolutions qui fonctionnaient pas du tout. Donc voilà, on peut quand même être rassuré du côté de RBF1 pour la suite de la saison. Et puis bravo aussi au stratège de l'équipe, puisque si Ricardo a passé des Alpines, c'est grâce à un undercut au timing excellent. Hein. Donc voilà, ça se joue aussi dans les stands et derrière les ateliers. Donc bravo aussi, ça peut valoir évidemment très cher au classement constructeur, hein, puisque voilà. Hein. Et RBF1, c'est 30 points, As 19 et Alpine 9, et voilà, tout ça compte aussi au championnat. Donc bravo, bravo au stratège qui a dû bien dormir. Clairement. Ouais, bah non, il faudra attendre effectivement le débrief un petit peu comme je dis, de la tambouille, hein, un mix d'évolution, pas évolution, entre les différentes voitures. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop expliqué encore qui avait quoi, tout ça, donc je pense qu'ils y vont un petit peu plus clair à Silverstone, ils nous livreront un petit peu leur analyse à ce moment-là. Mais oui, effectivement, ma course un peu plus rassurante, effectivement, parce qu'ils avaient vraiment sombré d'un coup à Barcelone avec tout l'ensemble de packs d'évolution. Alors certes, c'est très difficile de comprendre une voiture tout de suite, du premier coup. Là, on avait un peu peur pour eux la semaine dernière, parce que c'était un week-end sprint quand même. Donc, si on part sur une config pas connue et qui fonctionne pas en essai libre, c'est le risque effectivement d'avoir un très mauvais week-end par la suite. Même si, on rappelle, cette année, le pare fermé se réouvre après le sprint et permet effectivement des modifications, ce qui permet d'être un peu moins bloqué ou cadenassé dans un mauvais choix de réglage. Mais voilà, bah voilà, ils reviennent un petit peu au niveau qu'ils avaient avant Barcelone, c'est-à-dire presque la cinquième force du plateau. Ils étaient aussi, bah, ils ont été devant Alpine ce week-end-là. Ils n'étaient pas devant As. Voilà, As était quand même encore un poil plus performant sur ce week-end. Mais voilà, ils ont plus ou moins retrouvé le niveau qu'ils avaient avant Barcelone, donc à confirmer comme à Silverstone. Hein. Voilà, ça reste quand même un circuit, voilà, Red Bull Ring, quand même assez un petit peu particulier. Hein. Voilà, c'est quand même un circuit d'accélération freinale aussi beaucoup. Il n'y a pas énormément de virages pour créer la différence. Donc à confirmer sur voilà, le juge de près que sera Silverstone en termes d'aéro, clairement, là, on verra vraiment la qualité des monoplaces exprimées. Et ça sera très très intéressant à suivre, d'ailleurs autant en essai libre qu'en qualification, de voir effectivement la performance des différentes voitures. peut-être même plus qu'en course, parce qu'en course, effectivement, les écarts se creusent toujours un petit peu plus à Silverstone. Donc voilà, bah, bon point pour Ricciardo, qui effectivement bah, confirme quand même qu'il revient quand même plutôt en forme, ouais, de manière assez stabilisée au niveau du Yuki Tsunoda ou devant Yuki Tsunoda. Donc ouais, il n'est pas si terminé que ça, même si Marco dit que bah, c'est plutôt Liam Lawson qu'il faudrait dans sa voiture l'année prochaine. Donc est-ce qu'on a possibilité de mettre Liam Lawson à la place de Sergio Pérez chez Red Bull, ou que enfin Horner puisse avoir gain de cause et mettre Ricciardo à la place de Pérez? Enfin bref, il y a encore un peu de tambouille interne à faire chez Red Bull. Ouais. Si Pérez continue à s'écrouler, clairement la question se posera, hein, parce que je pense que même si Pérez a re-signé, le contrat il est totalement verrouillé par Red Bull, autant en termes de performance que d'options, et que si Pérez n'est pas du tout et qu'il continue à s'écrouler à longueur de temps, je suis pas sûr que Pérez soit même encore là en 2025. Bah c'est ça, là il marque 15 points en 5 courses, il fait 3 points par course. Bah, s'il continue sur cette moyenne, il va marquer que 36 points jusqu'à la fin de saison, hein, donc c'est un peu chaud. C'est régulier. c'est vrai. Bah, il fait que des 8e place, je l'ai dit en ce moment. Ah, il est bien à la fin du peloton du top 4, il n'y a personne qui l'embête devant, personne qui l'embête derrière. Il a 15 secondes de retard sur celui de devant, 15 secondes d'avance sur celui de derrière. Enfin, pas tout le temps, parce qu'il se fait quand même passer par Hülkenberg finalement. Mais bon, voilà. Alors, Lambo Diablo dit Yuki devrait jurer en japonais pour ne pas avoir de pénalité. C'est interdit. La FIA oblige les pilotes et les ingénieurs à parler en anglais pour pouvoir surveiller les communications. Et Lambo Diablo dit, est-ce que Daniel peut sauver son volant? On en a parlé, moi pour moi c'est un peu trop tard aussi. Comme Magnussen, en fait je pense que ça va être un petit peu trop tard. Même si, ouais, je vois plutôt en fait la seule chose pour laquelle Le problème c'est que Ricciardo, c'est un problème politique aussi entre Horner et Marco, clairement. Hein. Donc oui. Pour l'instant on ne sait pas. Marco là, attend ça le foutre dehors médiatiquement parlant, par Lawson. Horner, il a quand même soutenu en disant qu'il irait encore des courses au moins jusqu'à la pause estivale. Donc, pareil, entre les deux, c'est le dossier Ricciardo est tendu. Hein. Ouais, après, même quand Marco soutient des gens, c'est pas non plus bon signe. C'est pas faux. C'est vrai que Gasly avait eu l'assurance que tout se passerait bien et qu'il reprendrait son baquet après la pause estivale en 2019. Il fallait pas prendre de vacances. C'est ça. Il fallait pas casser la voiture, on essayait Hiverno, de toute façon, ça c'est... Ah oui, Red Bull paye encore le prix, hein, c'est les évolutions. C'est ça, la mauvaise évolution, de toute façon, c'est ta faute. Et puis d'ailleurs, si Pérez fait des mauvaises performances, c'est parce que Gasly a cassé le châssis il y a 4 ans, donc... il y a 5 ans. Voilà, donc en tout cas, RBF1, bon, c'est pas mal, mais en fait, je pense qu'eux aussi, ils payent un peu le peloton très serré, globalement, avec des écarts qui sont faibles et ça pose un petit peu problème par moment pour réussir à être à peu près constant, on va dire. On se réjouit juste pour la FIA qui a encore trouvé quelqu'un qui paierait 20 000 euros à la fin d'un Grand Prix, histoire de payer un bon petit gueuleton à la fin de la course. Les 40 000 de Tsunoda, je peux te dire que ça va être investi dans du homard et dans du champagne, ça va être sympa. Hein. C'est ça. On va parler d'Alpine. Alpine avec la 10e place de Pierre Gasly, la 12e d'Esteban Ocon, un duel encore bien tendu, mais que les deux pilotes ont apprécié, comme quoi finalement, quand Bruno Famin pète pas un câble en direct, les deux pilotes sont pas si mécontents. Non, c'était un petit tacle gratuit, mais voilà, en tout cas, ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors effectivement, on a eu un ciao de Pierre Gasly quand il est passé, on a eu voilà, des petites plaintes à la radio, mais rien de bien méchant. Au bout du compte, comme ils disent, hein, les deux pilotes qui ont le même niveau, la même voiture et qui sont au même endroit sur la piste, on se bat et ils ont bien raison. Et ils étaient contents que l'équipe leur laisse le choix de se battre, enfin la possibilité de se battre, puisque... C'est un peu un test, j'ai l'impression quand même aussi. Hein. Peut-être, c'est vrai. Mais bon, après, de toute façon, à mon avis, je vois pas comment ça ne va pas clasher. Tous les week-ends, ils sont au même niveau. Tous les week-ends, ils sont en même position parce qu'ils ont le même niveau. Et globalement, ils ont des profils très proches. Ils ont des façons de gérer les courses très proches. Ils sont tous les deux très bons gestionnaires de pneus. Ils sont tous les deux à peu près de même performance en qualif, un indice de performance similaire. Et je ne vois pas comment ça ne va pas clasher à nouveau avant la fin de saison. Parce que de toute façon, ils seront pour moi tous les Grands Prix au même niveau, à deux places d'écart maximum. Ils vont se croiser en course. Et voilà. Donc après, tant mieux si ça va jusqu'au bout comme ça. Mais personnellement, j'y crois pas du tout. Bon, après, Pierre Gasly a juste dit, voilà, il faudra quand même étudier, voir si ça nous a pas coûté un peu de temps de course aussi, peut-être pas viser une place de mieux. Effectivement, il se gêne un petit peu. Mais bon, alors, ça n'a pas clashé, c'est que Fama n'a plus de moyens de pression sur Ocon. Hein. C'était c'est ça. À Sky, il disait aussi, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va virer Ocon une deuxième fois. Oui, c'est ça. À part le suspens, mais... À noter quand même qu'Ocon qui a le châssis allégé quand même de Gasly, mais il fait pas beaucoup mieux, hein. Il fait même moins bien. Donc, ouais, mais quand il avait, paradoxalement, quand il avait le châssis le plus lourd, il était souvent devant Gasly, donc le châssis allégé, je suis pas sûr qu'il soit. Je crois qu'il a perdu une petite pièce pendant la course. Oui, en plus, il a perdu une pièce. Mais comme il a dit, si la perte de pièce n'a pas fait de. Il a dit si le fait de perdre cette pièce n'a pas changé grand chose sur la voiture, c'est un gros problème, ça veut dire que la voiture a d'autres soucis que ça, quoi. Après, il savait pas ce que c'était quand il a commandé. Quand il a commenté, en fait, il a vu après, c'est les petites ailettes qui sont juste derrière les écopes de frein à l'arrière. Ça apporte un poil d'appui, mais c'est pas ça qui change la vie. Donc, en fait, quand on lui a fait la remarque, il le savait même pas. Et c'est lui-même d'ailleurs qui a posté une petite story sur Instagram en montrant effectivement la pièce qui s'envole. C'est pas une pièce absolument essentielle en termes d'appui et d'équilibre de la voiture. Ça coûte forcément toujours un petit peu, hein. Sinon il mettrait pas cette pièce-là à ce niveau-là. Mais voilà, voilà. Quand on lui a rapporté le fait qu'il avait perdu une pièce, il est pas au courant. Donc maintenant qu'il sait ce que c'est, effectivement, il a dû voir que ça a pas dû changer vraiment sa vie, quoi. Et chez Alpine, il y a une stat étonnante et paradoxale, c'est que Gasly en est à 4 arrivées consécutives dans les points. C'est sa meilleure série depuis le début de la saison 2021. Oui. Très paradoxalement, c'est en fait la meilleure série de Gasly dans le top 10 depuis 3 ans. Ce qui montre aussi voilà, qu'Alpine progresse. Évidemment, le problème, c'est que c'est des petits points à chaque fois. Et c'est ce qui fait qu'Alpine est 7e aujourd'hui derrière Haas au classement constructeur. Bah, clairement, hein, ouais, clairement pour moi c'est quand même très très bien au niveau de la progression des voitures. Ça, on avait déjà signé la semaine dernière, mais du coup on a quand même le classement. C'est vrai que c'est un bon classement pour entamer le développement pour la suite, parce que maintenant on a le classement des échelles aérodynamiques aussi, et puisque c'est arrêté au 30 juin, donc on sait que Alpine gardera Alpine en fait a perdu une place au bon moment presque par rapport à Haas. Ils ont gratté 5 points en fait, 5% de dépenses aéro sur une course en fait. Voilà, c'est tout. Quel génie c'est Briatore. C'est ça. Ah, on voit la différence de toute façon, ça on savait, mais bon. Non, en tout cas voilà, donc encourageant encore une fois chez Alpine malgré tout. Par contre, on va passer à une équipe pour qui c'est pas du tout encourageant. On a quand même un petit pardon, chapitre. Oui, j'ai pas, excuse-moi, je reviens sur Alpine parce qu'on n'a pas parlé de ce qui se passe hors piste. Ouais, des côtés transfert effectivement, donc juste pour en parler très rapidement, on sait que du coup qu'il y a quand même vraiment une belle offre qui a été faite à Carlos Sainz de la part de Flavio Briatore pour piloter en 2025 avec une possibilité de pouvoir partir au bout d'un an seulement si une place dans un top team se libère. Donc voilà, c'est un peu le va-tout de Briatore qui a confié que Carlos était un super pilote. Voilà. Et juste aussi un petit mot sur le fait que bah, y a bien des tractations entre Alpine et Mercedes pour le moteur Mercedes, puisque Toto Wolff l'a confirmé aussi. On en a parlé aujourd'hui dans un des articles concernant Toto Wolff. Mais il a dit, voilà, comme Alpine est en train de reprogresser, est-ce que c'est vraiment le moteur, leur vrai problème du moment? Certes, c'est peut-être pas le plus gros de leurs problèmes en ce moment, mais c'est vrai qu'un projet 2026 qui partirait pas d'un bon pied, c'est se tirer une balle dans le pied pour très longtemps derrière. Donc, effectivement, peut-être que redresser toute la partie châssis en priorité, c'est quand même pas forcément un mauvais plan, et d'avoir l'assurance d'un moteur Mercedes qui devrait quand même bien fonctionner en 2026, c'est pas un pari déconnant. N'en déplaise à tous les fans d'Alpine et de Renault qui nous suivent et qui aimeraient bien continuer à avoir un moteur Renault derrière une Alpine, et nous les premiers. Mais voilà, il y a des choix à faire malheureusement, et comme ils n'ont qu'un client, le choix logique se pose, quoi. Voilà, c'est tout ça. Même si la Formule 1 rapporte des sous, même si la Formule 1 en termes d'image est très rentable pour un constructeur, développer un moteur seul, ça coûte très cher, et c'est un gros pari quand même pour 2026. Donc voilà, est-ce qu'on veut une équipe Alpine qui peut aller jouer les premières places avec un moteur qui serait, sur le papier en tout cas, éprouvé, ou encore repartir pour une galère? Au moins on élimine de cette équation une inconnue qui est pas négligeable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le rumeur de transfert est toujours le même que celle qu'on vous a donnée, Schumacher, Jack Doohan, etc. C'est ça. Oui, globalement, c'est à peu près la même situation, mais effectivement, ça pourrait se débloquer rapidement, encore une fois. Hein. Une fois que les dominos vont commencer à tomber, ça peut aller assez vite. Mais en tout cas, de plus en plus, la rumeur comme quoi Sainz commence un petit peu à agacer tout le monde, y compris les équipes, à ne pas faire sa décision. Et finalement, de plus en plus, je pense que ça pourrait être ne pas être le premier domino à tomber. Je pense que pas mal de gens vont commencer à s'organiser avec ou sans lui, en fait. Vols, je pense que Vols, il est en train de se dire que s'il peut signer un Bottas ou un Ocon, finalement. Ouais, il ne sera pas perdant si c'est pour stabiliser plus vite le Il voit que Sainz est prêt à accepter un contrat qui lui permettrait d'aller dans le top team au bout d'une seule année. Je pense qu'il se dit, ok, c'est pas le mec qui veut rester absolument chez moi à long terme pour développer Williams, quoi. Donc, ouais, peut-être qu'effectivement, c'est pas forcément le bon canasson sur lequel miser sur le long terme, quoi. Sachant toutes les qualités d'Albon derrière aussi, donc il y a pas, c'est pas comme s'il se retrouvait sans aucun grand pilote, bon pilote dans son équipe. C'est ça, clairement. Donc ensuite, on va parler de Aston Martin. Alors là, enfin moi, je n'ai plus vraiment de. Juste pas d'infos sur la date des grosses évolutions alpines, non, aucune Non, non, date. ça c'est. Je pense qu'ils attendent vraiment un énorme package, hein, du coup. Mais on n'en sait pas plus. Joe chez Alpine possible. Sur le papier, oui, mais bon. Il est vraiment au fond de la liste, hein, clairement. Aston Martin, du coup. Ah, oui. En troisième pilote, au Ouais, mieux. c'est ça. C'est possible. Stroll termine 13e, Alonso 18e. L'équipe ne gagnait plus, hein, clairement. Comme je disais, sur les 5 dernières courses, c'est 16 points, donc soit un de plus que Sergio Pérez. Mais ce n'est pas énorme non plus. C'est globalement très mauvais, en fait. La voiture ne fonctionne pas. Les pilotes n'ont pas l'air très heureux. Il n'y a pas. Bon, Alonso signe le meilleur tour à la fin pour faire chier tout le monde, je pense. Mais parce que c'est. Voilà, après. Voilà, enfin, c'est C'est encore plus mauvais, hein. Alors, c'est plus catastrophique pour Alonso que pour Stroll. Hein. Stroll fait quand même 10e au sprint. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas une course longue, mais il fait quand même un sprint moins dégueulasse que Alonso. Hein. C'est vraiment Alonso, hein, qui semble, je ne sais pas si le moral y est encore, on ne dirait pas, hein, vu les déclarations qu'il fait aux médias, comme quoi ça sera de toute façon c'est foutu jusqu'en Hongrie, et même en Hongrie, on ne sait pas si ça ira mieux, hein, en substance. Ce qu'a dit Alonso, moi je trouve que Stroll, ça paraît bizarre à le dire, mais voilà, il tient compte de la comparaison face à Alonso depuis quelques cours, c'est même le bas, plus régulièrement que Alonso, bah Stroll, hein, voilà, il y a une déprime qui est plus marquée chez Alonso. De toute façon, Stroll, ça fait peut-être 2 ans qu'il est déprimé, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on peut parler de crise de performance, hein, très clairement, chez Aston. Pas encore de crise de sens, de crise existentielle, parce que c'est une équipe dont la tendance reste positive à long terme, avec la nouvelle usine, avec la nouvelle soufflerie. Mais y a rien qui s'emboîte, y a rien qui s'emboîte cette année. Et puis voilà, ça fait écho au bruit qu'on a eu la semaine dernière, selon quoi Dan Fallows pourrait être rétrogradé de son poste de numéro 1 de l'aérodynamique chez Aston de numéro 2, pour laisser place à Cardillet, l'actuel directeur technique de Ferrari, qui serait lui-même remplacé, évidemment c'est que des rumeurs, par Newey chez Ferrari. Mais en tout cas, voilà, ça va pas fort chez Aston, et on se doute que Lawrence Stroll doit plus avoir de table à force de taper du poing dessus. Ouais, chez Aston, c'est effectivement. Bon, il y a eu des évolutions quand même, mais elles fonctionnent pas. Ou elles fonctionnent moins bien que celles des concurrents. Mais alors la théorie que ça fonctionne moins bien que celles des concurrents, je commence à moins y croire parce qu'ils sont quand même dépassés par beaucoup de gens maintenant. Et Alonso, effectivement, on sent un point de démotivation quand même, parce qu'il se dit clairement que, ok, il a signé pour 2026 derrière, donc ça veut quand même. Il est en train de se dire qu'il va devoir patienter tout 2024. Encore qui reste, plus tout 2025, avant d'espérer que peut-être en 2026 ce soit sympa. Et il a quand même pas mal évoqué lors de ses interviews récentes, hein, voilà, c'est que voilà, il a son âge aussi, il pense comme aussi à son équilibre avec la vie de famille, avec tout ce qu'il doit faire à côté, essayer de faire venir un peu plus souvent les gens de sa famille avec lui sur les Grands Prix. S'il se dit qu'il y a encore 1 an et demi de points morts à tirer avant d'espérer peut-être quelque chose de mieux en 2026, on peut comprendre qu'il peut commencer à trouver le temps long si effectivement les évolutions qui sont prévues à Budapest sur ce coup-là ne redressent pas vraiment le tir, quoi. Et si effectivement Budapest ça ne redresse vraiment pas le tir, je pense que je serais pas étonné. Je serais pas étonné qu'on pourrait avoir un Fernando Alonso qui finalement décide de raccrocher en l'heure. Ce serait assez fou, mais qui sait? Qui sait, qui sait. Je pourrais le voir lasser d'un coup et finalement dire stop là, je ne me vois pas faire une année de plus comme ça à attendre. Ce serait pas une grosse surprise en tout cas. Enfin, si la tendance actuelle se poursuivait avec les grosses évolutions de Budapest, en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il a signé tôt et vraiment de voir toutes les autres équipes qui progressent, ça doit être le pire pour lui, je pense. Parce que là, Aston Martin, ce week-end, ils sont en perf pur, ils sont derrière Alpine, derrière Haas et au niveau d'RBF1, voire derrière. C'est qu'ils sont littéralement la 8e force du plateau. Quand l'an dernier, à la même époque, ils jouaient les podiums, quoi. Donc. C'est dur, franchement c'est dur. Et le titre que j'avais vu, c'est Jalopnik, un site anglais qui a marqué le titre est un peu long parce que les Anglais aiment bien faire long, mais en gros c'est le Nepo Baby d'un milliardaire sans talent dont la carrière est un échec reste employé en toute sécurité par l'entreprise que son papa a acheté pour lui. Et je trouve ça très violent, mais malheureusement, c'est factuel. Ouais. C'est vrai qu'alors là, bon, Lance, ça a été un petit peu... Ah, Stroll est devant Alonso, hein, oui. Ouais, mais je pense que... Comment dire ? Je pense que malheureusement, on ne doit pas trop voir un coup de génie du côté de Stroll, mais plutôt vraiment un Alonso qui commence à être un peu à la dérive. Ouais. Et surtout, je pense que les évolutions... j'ai peur que Aston écoute beaucoup Lance Stroll pour ce qui ne va pas. Et qu'au final, les évolutions ne fassent pas devenir Stroll super bon, mais qu'elles ne conviennent pas très bien à Alonso. Et que, enfin voilà, ce ne serait pas non plus la première fois que l'équipe de Laurent Stroll met tous ses moyens sur son fils et que ce n'est pas une bonne idée. Hein. Je veux dire, ils ont viré Ocon pour lui, ils ont fait pas mal de choses depuis 2018 qui sont pas des décisions logiques. On pensait que ce serait moins le cas avec Aston Martin. Le fait est que. La gestion de l'équipe, pour l'instant, elle est plutôt désastreuse parce que oui, il y a eu beaucoup d'argent de mis et l'argent a l'air plutôt bien investi, mais c'est quand même une équipe qui est constructeur, qui a dit nous, on veut gagner des titres et qui aujourd'hui joue avec une seule voiture, n'écoute pas trop son champion du monde, a réussi par miracle un très beau bond en avant l'an dernier, mais là ne sait plus mettre une roue devant l'autre et ouais, c'est enfin au rythme où ça va, si l'évolution de Budapest est un échec, ce qui n'est pas à exclure vu que les dernières n'ont quand même pas été folles, ils risquent de se retrouver rapidement derrière RBF1 et peut-être même derrière Williams. Pour l'instant, je pense qu'ils sont juste safe par rapport à Steak, mais c'est tout. Quoi. Donc, Le problème d'Aston, c'est qu'il n'y a aucune émulation entre les pilotes. On le voit chez Alpine où Ocon et Gasly se tirent ensemble vers le haut. On le voit la même chose entre Leclerc et Sainz, entre Russell et Hamilton. Le problème, c'est que là, on a eu un discours absolument lénifiant, hein, moi qui me fait rire. Alonso, lorsque Stroll a été prolongé en disant, mais voilà, Alonso a dit, mais j'ai jamais eu une telle relation avec un tel coéquipier. Et voilà, en fait, l'avantage, c'est que Lance. J'ai jamais eu de relation avec lui d'ailleurs. Mais... Le problème, c'est cette personne. Parce qu'il disait, voilà, Lance, il est plus fort que moi dans certains virages. Moi, je suis dans certains virages. Donc, on se complète et on fait des retours très, très complémentaires aux ingénieurs. Il a des points forts. Moi, j'ai des points faibles. Et lui me complète très bien sur mes points faibles. J'ai toujours été très compétitif. Et Lance a toujours été très compétitif et très ouvert. Et il a même dit, hein, lorsque je serai parti, je cite, et j'espère que Lance prendra la tête de cette équipe. Et je le soutiendrai. Donc, voilà, on a évidemment un discours unifiant qui est totalement politique et est couplé des réalités d'Alonso. Mais ça prouve aussi que lorsqu'on n'avait pas d'émulation dans une équipe comme chez Alpine, comme chez Ferrari, comme chez Mercedes, bah du coup ça tire pas le haut, ça tire pas le meilleur pilote vers le haut, et c'est typiquement ce qu'on voit avec Alonso qui est dans une phase de déclin très clairement. C'est ça. Hein. Et d'ailleurs on le voit bien parce que enfin Alonso même il y a des signes qui trompent pas, le fait que il y a une course là, il savait plus où il en était dans sa course, alors que l'année d'avant il était en train de regarder les écrans géants pour expliquer à Stroll comment prendre les virages. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a un vrai. Ça paraît bête comme exemple, mais c'est très symptomatique, je pense, d'un Alonso qui déconnecte un peu. Et voilà. Après, le discours dithyrambique sur Stroll, désolé, mais la dernière fois qu'il a parlé d'un équipier comme ça, c'était Van Dorn. Et Van Dorn, il lui collait 21-0 par saison. Et en fait, c'est toujours ça qu'Alonso, quand il détruit ses équipiers, c'est les meilleurs. Et puis quand ils lui font chier, c'est pas des super équipiers, parce que tu comprends, ils sont pas team players, etc. Mais au final, le meilleur équipier qu'il ait eu, ça reste toujours Ocon et Hamilton, évidemment. Et parce que c'est les deux seuls qui ont été à son niveau. Donc au bout d'un moment, voilà, après, on sait, ça, c'est la com version Alonso, quoi. Comme le dit Slim Too Slow, c'est jamais connu de mec en CDI. Il n'y a plus un gros gap entre eux, en tout cas. Oh non, c'est sûr. J'ai oublié de le montrer tout à l'heure pour Perez. T'aurais pu dire aussi pour Norris, if you don't go for a gap, that exists, tu vois. sur le chat, Guigui demande aussi est-ce que Laurent Stroll est le seul à avoir décidé de prolonger son fils ? Je pense que si Mike Rack dit à Laurent Stroll, écoute, j'aimerais bien remplacer Laurent Stroll, c'est pas Laurent Stroll qui va virer. Hein. C'est ça. Clairement, je pense qu'il a dit on regarde Land, c'est Mike Crack a dit oui, oui, c'est l'idée que j'avais aussi. Hein. je pense même pas que Laurence Roy ait besoin de dire quelque chose. Hein. Bah, il envoie juste les contrats, les copies des contrats à tout le monde. Et puis, contrat qu'il a signé entre l'agneau et le fromage le dimanche avec son fils. Ah, il n'envoie même pas de contrat, il envoie juste le riblé. Il n'y a même pas de contrat, je suis sûr. Écrit. Ah, c'est ça. Il envoie un message, faites une dépêche, Land s'est prolongé. Ah, mais il n'était pas encore prolongé. Si, si. Non, mais c'est bon, c'est. Mais le problème, c'est que c'est pas sérieux quand même, parce que ça envoie une image de l'équipe qui est catastrophique. Et en fait, c'était grave quand ils étaient très bons devant, parce qu'on voyait que Alonso était largement meilleur que Stroll, et que lui empilait les podiums pendant que Stroll en mettait plus un, pas un. Et aujourd'hui, c'est presque pire, parce que l'équipe va pas bien. Et en fait, on sait que les décisions seraient aussi responsables de ça. Donc, du coup, il y a vraiment du négatif tout le temps chez Aston, en fait. Et c'est pas. Globalement, l'image est toujours très désastreuse. Hein. Et l'équipe reste 5e championnat constructeur. Et c'est pas bon pour eux, parce qu'ils ont marqué trop de points sur le début de saison. Ouais. Et maintenant qu'il y a le nouveau barème pour le 30 juin, après le 30 juin, pour le développement, c'est pas terrible non plus pour eux. C'est ça. Ils ont fait un écroulement, mais au mauvais moment. Quoi. Ils vont moins développer que les équipes comme Alpine, comme Haas, comme RBF1, qui sont des équipes à leur niveau maintenant. Et même Williams, c'est pas si loin. Hein. Williams, ils sont en rythme de course, ils terminent pas très loin de Stroll. Donc, c'est. Enfin, là encore aussi, ils ont un seul pilote, donc heureusement, entre guillemets, mais enfin, c'est le pilote qui cartonne vraiment. Mais ouais, non, c'est super inquiétant pour Aston. Moi, je serais pas étonné que en fin de saison, en perf pur, ils soient très très loin. Sauf si, évidemment, les vaux de Budapest, ça fonctionnait, mais je suis pas certain. Voilà, en tout cas, pour eux, la silly season est réglée, donc pas de bruit de couloir, et puis de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas avant un petit moment. À part Fallows, oui, par Fallows et Cardillet. Ouais, à part Fallows et Cardillet, mais bon, ça, je sais pas. Après, c'est vrai que Fallows, du coup, serait pas si étonnant que ça qu'il saute, vu le désastre. Mais la remarque de Guzman tout à l'heure dans le chat était aussi pertinente, c'est effectivement, il est arrivé un petit peu avec le concept Red Bull dans la tête, l'a appliqué, ça fonctionnait tout de suite quasiment, mais après, derrière, pour le développer... C'est ça. Il n'y a pas toutes les idées de New Way et de tous ceux qui sont restés chez Red Bull. Donc, non. Voilà. Compliqué. Ça complique un peu les choses, ouais. Ensuite, nous allons parler de Williams. Alors, Williams, bon, c'est. Voilà, hein, c'est toujours des week-ends un peu compliqués. Dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a de la chaleur, la voiture n'est pas très bien. Malheureusement pour eux, ce week-end, il y avait les deux. Donc, ça n'a pas aidé à ce que ça se passe bien. Ça travaille toujours. C'est-à-dire, en fait, l'avantage chez Williams, c'est que ça fait pas trop de vagues. En fait, on sent que l'équipe est soudée, que ça bosse. Donc, c'est déjà bien. Et globalement, ça donne toujours une image plus enthousiaste et positive qu'une équipe comme Aston où tout le monde fait la gueule, en fait. Donc, pour moi, c'est quand même pas trop mal. Après, c'est sûr que il manque de la perf et ça, c'est les évolutions au fil du temps qui vont l'apporter. Non, mais gros travail de fond de façon sur l'usine, sur les infrastructures, sur 2026, c'est clairement ciblé par Jens Vols, donc. Ils ont dit, hein, on fera les performances qu'on fait, et c'est tout. Maintenant, c'est vrai que voir une évolution qui fonctionne et tout, c'est quand même toujours plus sympa. Et les évolutions ont fonctionné. Maintenant, elles ne fonctionnent pas encore à un niveau extrêmement intéressant pour pouvoir aller jouer le top 10, soyons clairs. Mais c'est pas loin, hein. Ça reste quand même des performances qui sont vraiment proches des équipes devant, donc c'est très encourageant parce qu'elles suivent quand même le rythme, elles se rapprochent même, donc c'est plutôt ça qu'ils cherchent à monitorer de leur côté, c'est est-ce qu'on est capable de suivre le rythme des gens devant nous, et effectivement par rapport au top team, c'est le cas, donc voilà, c'est ce qui doit être validé parce que le grand objectif de Jens Vols, c'est 2026 et rien d'autre. Totalement. Et puis Albon qui critiquait le manque de performance quand même de Williams, mais qui s'est lui-même critiqué parce qu'il a fait la même erreur que Hamilton, c'est-à-dire passer la ligne blanche et du coup il a eu 5 secondes de pénalité. Les arrêts au stand n'étaient pas extraordinaires. En tout cas, la stratégie n'était pas extraordinaire. Il disait voilà, je suis à chaque fois sorti dans l'air sale, et je suis pas sorti au bon endroit à chaque fois. Donc l'opérationnel n'était pas top du côté de Williams. Il disait en fait j'aurais pu finir 13e ou 12e et pas 15e. Hein. Bon, ça montre qu'il y a toujours. Du perfectionnisme chez Williams, de toute manière, il n'y avait pas de quoi viser les points, mais en tout cas, en termes de performance, on est dans les mêmes eaux qu'à peu près Aston, hein. C'est à peu près là où se situe Williams, donc c'est quand même pas décourageant, loin de là pour l'équipe, même si ce sera clairement difficile jusqu'au bout de la saison, et quand même un mot sur Sargeant qui a battu Albon en SQ2, voilà, bravo quand même si c'est trop tard, mais quand même bravo. C'est ça, et après... effectivement, on a pris des recrutements aussi chez Williams, si responsable technique dans divers département dont Matt Harman, l'ancien directeur technique de chez Alpine. Donc bon, c'est ouais, c'est une restructuration et de toute façon, eux, c'est clair que le master plan de James Vowles, c'est 2026 et d'ici là, ça va juste être de la mise en place de, pour progresser et travailler à fond sur le prochain règlement. Attention de ne pas survendre 2026 pour Williams aussi, hein. C'est peut-être aussi le risque. Ouais, tout à fait. Oui, mais tant qu'il va être qu'il sort de l'usine progresse, c'est bon signe pour eux. C'est ça, ça veut dire que l'usine est déjà dans le bon, quoi, tout simplement. Et effectivement, malgré tout, il n'y a pas d'alerte parce que ils ont pas leurs évolutions apportent de la performance au niveau de celle de la concurrence, donc c'est toujours rassurant. Voilà pour Williams, je crois que après il y a toujours les rumeurs de transfert, hein. Ocon peut-être Bottas si Sainz ne vient pas. On en a parlé effectivement, ouais, effectivement. Voilà, c'est là-dessus il y a pas grand-chose de nouveau. On a beaucoup vu Bottas avec James Vowles ce week-end, beaucoup beaucoup. Ouais, on commence l'impatience, hein. Je pense que effectivement le problème du projet nouveau Williams, c'est qu'il faut croire au projet à long terme. Et quand vous êtes Sainz et que vous dites ah mais du coup j'hésite avec Alpine, ça donne pas un meilleur signe sur l'aspect je crois au projet à long terme avec Williams. Donc c'est ce qui pourrait agacer James Vowles, sachant que Bottas lui a toujours dit ce que je veux, c'est un contrat à long terme avec une équipe. Donc voilà, donc ça a peut-être mis des doutes sur la volonté de Sainz de s'engager, hein, sur un projet à long terme avec Williams. Donc voilà, c'est clairement pas fait. Hein. Il y a 3 semaines, on vous aurait dit c'est sûr, ou même 2 semaines, Sainz va chez Williams. Et voilà, Briatore, quel génie. Parce que Alpine a tout intérêt à faire attendre Sainz aussi, hein, comme ça Williams attend de son côté aussi. Donc on est dans cette situation là de course d'attente, hein. Mais voilà, Bottas c'est pas non plus une mauvaise solution non plus pour Williams, surtout s'il est plus motivé à s'engager à moyen terme. C'est ça, je pense que tu as à peu près tout dit. Et puis du coup, bah, dernière équipe sur laquelle on va se pencher pour aujourd'hui, c'est toujours la même steak F1. Bottas 16e, Joe 17e, double élimination en qualif, double élimination en sprint shootout, c'est enfin en Q1 et en SQ1. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon, alors que Barcelone était un peu plus encourageant. Et puis là, non, c'est retombé dans les travers. Et donc, c'était assez catastrophique, plus pour Joe, hein, que pour Bottas. Hein. Très souvent, hein, je pense que Bottas met à peu près 2 dixièmes à Joe, ce qui est un circuit aussi court et quand même pas immonde. Après, sur l'échelle de Sergio Perez, c'est pas énorme. Hein. C'est ça, exactement. Mais c'est toujours un peu déprimant. Hein. Bottas, qui même dans ses commentaires d'après-course, disait remettez un peu la pression sur Steak, on a besoin d'évolution. Ça, il le dit chaque week-end, hein, c'est terrible. Hein. Voilà, mais des évolutions qui fonctionnent, hein, parce qu'ils ont des évolutions, mais qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc, c'est une déprime, mais qui est prévue chez Steak. Ils attendent. Tout est sous contrôle, c'est juste pas terrible. Non, mais oui, c'est sûr qu'eux aussi, c'est du travail de fond pour Audi, hein, de toute façon. Donc voilà, après, c'est juste que. En fait, c'est tellement la déprime qu'ils n'ont plus vraiment de. On le disait, ils sont un peu devenus désuets sur le marché des transferts, où finalement, tout le monde essaie de trouver des places ailleurs avant de penser à aller chez eux, quoi. Donc. C'est un peu triste. Qu'attendent de Audi l'an prochain, vu les résultats de Steak cette année? Mais l'an prochain, cette année, ce sera encore Steak, hein, ce ne sera pas Audi. Audi sera 2026. Audi a fait une sortie publique quand même. Oui, alors oui, d'ailleurs, c'est ça qui a été. On a un petit peu compris les dessous de ce communiqué. C'est un long communiqué expliquant que le programme avançait, que tout se passait bien, etc. Sous-entendu, vous pouvez venir chez nous. Peur. Voilà, n'ayez pas peur de venir chez nous. N'ayez pas peur. Ouais, c'est ça, vous en faites pas, hein, vous en faites pas. Et confiance. Non, mais ouais, c'était assez étonnant. C'est vrai que c'était vraiment ça avait un petit peu une tête de fiche promo de l'équipe, quoi. Donc, mais bon, effectivement, je pense que c'est compliqué, et puis ça le sera encore l'an prochain. Et après, il faut juste espérer pour eux que les évolutions faites sur les infrastructures. Alors, Neubourg, il y a eu énormément de travail qui a été fait par Audi lui-même, parce que voilà, c'est le moteur. Steak, donc Sauber, en fait, a récupéré aussi du budget en plus au niveau du CAPEX pour les évolutions, enfin pour les infrastructures, pardon, et du coup, a pu aussi investir là-dedans. Il faut espérer maintenant que ça va porter ses fruits, parce que. C'est vrai que j'y repensais ce week-end et je me disais, le dernier très bon châssis de l'usine de Inwheel remonte environ à 2012. Et depuis, puis, ça a été compliqué, quoi. Il y a un sujet intéressant qui a été soulevé par Bravi récemment, c'est le sujet des salaires, hein, puisque si vous êtes déjà allé en Suisse et vous avez essayé d'acheter quelque chose, vous êtes rendu compte que ça coûtait cher. En même temps, le SMIC en Suisse, c'est 4 000 euros à peu près. Hein. Donc, évidemment, lorsque tous les, y a des petites adaptations en fonction des pays, hein, mais les salaires en Italie, même en Italie du Nord, ce n'est pas les mêmes salaires qu'en Suisse, qui ne sont pas les mêmes salaires au Royaume-Uni. Et donc là, STEC est en train de négocier bah, justement un plafond par pays relevé pour le budget, parce qu'effectivement, ça peut faire la différence, bah, je ne sais pas, d'une cinquantaine d'ingénieurs, 100 ingénieurs. Hein. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui handicape STEC cette année, ça coûte. Les Peut-être que salaires ouais, suisses coûtent sur les gros extrêmement cher. salaires, ça doit peut-être un peu moins se voir, effectivement, mais c'est vrai que sur les petits salaires, en tout cas, c'est clair que la différence est notable, quoi. Après, les salaires à moins de 4 000, 5 000 en F1, il n'y en a pas des masses non plus. En tout cas, dans ces postes responsabilité, ingénieur, Ah oui, chef mais ils sont pas payés au SMIC, technicien. hein, en Suisse. Hein. Non, non, voilà, mais si on peut imaginer qu'un ingénieur moyen, je sais qu'un mécanicien moyen, il tourne à peu près aux alentours de 10 à 12 000 euros par mois. On peut imaginer effectivement qu'en Suisse, il doit peut-être être à 13 ou 14 000. Voilà. Bon, il n'y a pas autant de différence, c'est pas du x2, quoi, je veux dire. Il sera peut-être un peu Non, mieux mais. payé, mais voilà, ça restera quand même un peu plus cher à payer en Suisse qu'en Angleterre, effectivement. Mécaniciens, ils sont beaucoup plus bas que ça en salaire. De toute façon, je pense que la FIA doit avoir une belle Je pense que organisation. les ingénieurs en Formule 1 sont moins mal payés qu'avant. Hein. Ouais, les ingénieurs sont moins bien payés qu'avant, c'est devenu moins compétitif que certains autres domaines et Oui, mais bon, sans la FIA a les salaires, puisqu'elle a tous les Oui. comptes des équipes. Donc, elle sait très bien voir la masse salariale, ce que ça coûte à chaque équipe. Et s'il y a une énorme disproportion, on aura entendu parler bien avant, à mon avis. Et donc, je pense que c'est qu'ils ont un léger problème, mais ce n'est pas le vrai problème, je pense, en tout cas, de Steak F1, en tout cas, à l'heure Non, actuelle. non, non, clairement pas. Clairement pas. Bon, ben voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix d'Autriche qui fut fortement animé, malgré tout, et donc qui a été, bah, comme toujours, après un Red Bull Ring, c'est vrai que c'est toujours sympa. Le prochain Grand Prix, ce sera ce week-end, puisque nous sommes en cours d'un triple header, d'un triplé de course. La F1 ne s'arrête pas et reprend dès jeudi à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui sera la 13e manche du championnat. Nos Donc là, pronos, nos pronos, ouais, ah oui, ah nos ouais, on avait tous parlé d'une victoire de Norris la semaine dernière, et donc nous avons tous eu tort, mais bon, on aurait eu À raison, cause de Max, ouais, on à aurait eu cause raison de sans Verstappen, exactement. Max. Donc on peut On avait pas s'attribuer un peu, mal, on peut on avait s'attribuer un pas peu de mal. mérite. Et moi je dis Hamilton. Soyons fous. Ouh. Ah, moi je dis Verstappen. Grosse Ouais, cote. moi je dis Norris. Ah bah voilà. Voilà, tout le monde est différent. Ouais, maintenant tu vas sur la solution de facilité, Alexa. Ah bah moi j'ai quand même été impressionné par le rythme quand même de Verstappen Oui, non, mais c'est clair. et Mais dans le virage. j'ai envie d'une belle histoire. J'ai envie d'Hamilton qui retrouve la De toute victoire. façon, C'est vrai. si Verstappen ne gagne pas, voilà, et s'il gagne, moi j'aurais été contre Sport en Paris. Je fonctionne au cœur et à l'émotion. Tu vois, voilà. Moi je fonctionne un peu au cœur et à l'émotion, mais aussi sur le fait que McLaren, avec une voiture à évoluer l'an dernier, avait fait un très bon Grand Prix de Ouais, mais Grande-Bretagne. ils ont toujours pas leur nouveau motorhome, enfin leur motorhome normal C'est pas grave à ça. Silverstone. Ils seront encore déstabilisés par tout ça. Norris ne voit pas ses chaussettes là où il faut, et voilà. C'est ça. Non, non, moi je pense que ça va bien se passer pour eux, mais ouais, non, je vois bien Norris. Je vois bien Norris gagner. Donc, bah, comme d'habitude, hein, vous pourrez retrouver la journée média avec les déclarations pré-Grand Prix sur NextGen Auto. Vendredi, alors là, c'est un week-end C'est tôt classique. jeudi, hein, parce que Oui. ils ont 1 heure d'avance Ouais, c'est sur vrai que j'ai pas regardé les horaires, nous. mais oui, on est 1 heure plus tôt que d'habitude, en gros, hein, pour à peu près tout. Week-end normal, pas de sprint, donc essai libre 1, essai libre 2 vendredi, essai libre 3 qualif samedi, course dimanche. Red Bull aura une livrée spéciale, la première de ses 3 livrées spéciales de la saison. On ne l'a pas encore découverte, on la découvrira sûrement mercredi, je pense, histoire qu'elle ne soit pas spoilée dans la vidéo des stands jeudi. Vamos, Pérez! Ah, avec des Ce canettes de Red Bull et des drapeaux mexicains partout. serait Non, en plus, je crois qu'ils en font une au Mexique. Non, ils en font une à Austin et une. La troisième, je ne sais plus où elle sera. Bref. Donc voilà, en tout cas, ça va. Parmi les choses qu'on aura, ça sera, après, il y aura sûrement une pelletée de casques spéciaux. Et puis voilà. Quelle heure le GP? Alors attends, j'ai plus le truc, mais je peux retrouver ça rapidement. Il me semble que c'est 14 h du coup, J'aurais dit non? que c'était 14h aussi, pour pas que ça fasse 16h en Grande-Bretagne. On va aller sur schedule du site officiel. Great Ah non, Britain. Ah non, c'est 15h. c'est 15 h là-bas, donc 16 h chez 16h, nous. 16 h chez nous. 16h, 16h, 16h. Ah oui, c'est track times, pardon. Oui, non, c'est ça. Ah oui, c'est 16h chez nous, oui. Ouais, Nickel. Les qualifs et la course sont à 16h. ils ont adapté pour le vendredi et le samedi, donc c'est toujours 13 h 30, 17 h 1 et 2, Ouais. 12 h 30 le livre 3 et 16 h les qualifs. Mais la course garde un départ à 15h. Hmm. Donc 16h pour chez nous. Bah, ma foi. Quelle heure la pluie ? Bah ça, la pluie en Angleterre, il n'y a pas d'heure. Hein. C'est très souvent. Alors, par contre, Silverstone s'est remis à vendre des billets oui. coup, suite à ce qui s'est passé hier. Par contre, ils craignent énormément de problèmes pour Verstappen parce que, vu ce qui s'est passé hier, ils vont mettre une sécurité autour de Norris et autour de. Voilà, les fans anti-Verstappen, ça risque de. Ouais, ça craint un petit peu. Oui. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime énormément le circuit Silverstone, c'est probablement une de mes courses préférées de l'année. Néanmoins, je voulais mettre un petit carton rouge au circuit qui a dit ouin ouin, on ne vend pas de place. Bah écoute, la prochaine fois, tu ne mettrais pas 30% d'augmentation en 3 ou 4 ans et tes places, tu continueras à les vendre. Puisqu'ils ne sont pas à guichet fermé pour l'instant, ils ne vont pas tarder à l'être là, avec les places oui. qui se revendent, mais voilà, ils se plaignaient oh mon dieu, on ne vend plus de place et tout, on ne comprend pas. Bah, comprenez que les gens ont autre chose à foutre de leur fait que de lâcher 600 ou 700 balles dans un week-end, hein, c'est tout simplement ça. Ouais, de toute façon, ils économisent tous pour Las Vegas. Alors, bah, évidemment, Las Vegas qui va mettre des prix abordables à partir de 1 000 $ la course. Donc... Évidemment, le hamburger. Ah oui, pardon, c'est ça. Avec vue sur une barricade fermée. Non, mais voilà, donc voilà, nous on se retrouvera pour Grand Prix lundi prochain. Nous avons déjà pris la décision pour simple raison que mardi et mercredi, ce sont des demi-finales de l'Euro. Et que nous ne voulons pas empiéter là-dessus, nous ne voulons pas que ça empiète sur nous non plus, on ne va pas vous mentir, c'est un peu compliqué d'être concurrentiel de ça, puis on se dit que si les gens veulent regarder, au moins ils n'auront pas à faire le choix. Donc on se retrouvera lundi prochain, dans 7 jours, à 20h30 évidemment. D'ici là, alors s'il y a une news qui arrive dans le week-end, on vous prendra évidemment la parole, mercredi, jeudi ou vendredi, hein, selon comment les choses se passent. Honnêtement, si on a juste Berman qui confirmait, oui, on ne fera pas un live spécial pour lui. Maintenant, si ça se débloque aussi côté Ocon, Bottas, Sainz ou quoi, ou que le drama Red Bull continue peut-être un peu plus violemment, on ne sait pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une sortie lunaire d'Horner ou Marco. On vous fera un petit live, évidemment, pour discuter de tout ça. Merci. Oui. Nous dit qu'on aurait pu amputer sur France-Belgique. Non. On avait prévu un petit tweet au cas de tir au but de retarder le départ de l'émission ce soir si ça avait été le cas. Donc on était prêt à s'adapter à notre environnement. voilà, en tout cas, n'hésitez pas toujours à suivre la chaîne pour avoir justement les alertes des moments où on est en live aussi, parce que comme ça vous évite de devoir suivre 12 000 comptes, même si n'hésitez pas à suivre aussi nos comptes évidemment, et le site. Vous abonnez aussi évidemment, votre soutien est toujours important. Donc vous pouvez toujours aussi le faire avec Prime Vidéo, hein, n'oubliez pas, si vous avez un compte Prime, vous pouvez lier votre compte Prime à votre compte Twitch et votre abonnement est gratuit, donc ça c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à le faire pour nous soutenir évidemment, nous on essaie toujours de faire des lives le plus possible, le Grand Prix continue évidemment de chaque semaine et puis voilà, encore une fois comme on vous dit, un petit live d'une demi-heure à une heure selon les news qui tombent dans la semaine, histoire de pouvoir un petit peu les décrypter avec vous et pas seulement faire de la news pure sur le site. Merci à toutes et à tous dans le chat, merci d'avoir été nombreux encore ce soir à nous suivre et puis merci Alex, merci Franck surtout évidemment, et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au Grand Prix, à lundi prochain. Ciao.